seen things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Put that cookie down. Now! Ok, les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode de Brawlcast où on va vous parler n'importe quoi. J'ai autour de moi le charmant Abe. Salut à tous. Le frétillant Bilka. Oui, c'est moi. La terrible Didi n'est pas encore là, elle viendra pour le dernier sujet par la magie du montage. Ouais. Et on a la joie d'accueillir avec nous un magnifique invité, c'est Antonin. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Antonin Ken. Antonin Ken, beaucoup. Pas beaucoup aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Abe va nous parler. Va nous faire un petit exposé finalement sur une licence qu'il a particulièrement marqué, puisqu'il en tire son propre nom et donc il va un peu s'étudier lui-même. Ouh, ça va être très automasturbatoire. On va parler ensuite de Sully, de Clint Eastwood, pardon. Oh, tu as niqué son nom. J'avais jamais pensé à ce surnom. Donc un film où un avion se prend des canards mutants et on finira par notre petite liste des films qu'on attend le plus en 2017. C'est parti donc pour nos brawls. Voilà le facteur. Mais oui, c'est clair. On commence tout de suite par le brawl de notre cher ami Bilka. Alors, tu voulais nous parler? Je voulais vous parler. Bah oui, évidemment, la saison 2 de l'Attaque Attends, des Titans. Attends, tu veux parler de ça? Ouais, je veux parler de ça, t'as tout compris. Oui, bah, en fait, l'Attaque des Titans, voilà. Pour moi, la série d'animation la plus belle du monde, de l'histoire, c'est tout. L'histoire, elle est magnifique. Absolument. La technique d'animation, ce mélange de 2D, 3D, le contraste du crush qu'ils font, ils augmentent la lumière, ils baissent l'ombre, ça fait un contraste de malade sur les personnages, les textures, comment ils se déplacent, comment ils se battent. Cet anime est absolument magnifique. Et c'est pour ça que je suis tellement fan de l'anime que j'ai pas cherché à voir la suite dans les scans. J'ai patiemment attendu combien? 3 ans? 3 ans on a attendu. Ah ouais, un truc comme ça. 3 ans on a attendu la suite de la série. Et là, finalement, ça va sortir en avril 2017. Il y a une bande-annonce. Il y a un trailer, ouais, exactement, qui est en ligne. C'est sur Netflix. Netflix a racheté les droits occidentaux de cette série, ouais. Bah, là, ça va suivre l'histoire directement ou pas, en fait? Enfin, attends. Question d'abord, ça sort quand? Ça sort en avril 2017. Oui mais Jonathan, c'est quoi l'Attaque des Titans? Alors, le professeur Bilka va nous éclairer sur le sujet. Bilkacha? L'Attaque des Titans, c'est... l'humanité a subi un terrible fléau. C'est des titans qui sont titanesques, qui font en moyenne entre 10 et 15 mètres de haut, qui bouffent des gens. Ils sont asexués, ils se reproduisent pas. Ils ont pas besoin de manger pour survivre, mais ils mangent des gens. En fait, ils bouffent des gens parce qu'ils sont frustrés. Je sais pas, ils sont inhumains, ils arrivent pas à parler, c'est des monstres purs, quoi. Et en fait, c'est dans un univers steampunk, un peu, il y a pas d'électricité, il y a pas de rétroprojecteur. En fait, ils se déplacent. Il y a pas de rétroprojecteur. Non, surtout non, ça. Comment on va faire pour regarder leur film avant le samedi soir? Mon Dieu, le professeur, comment il va nous montrer les diapositives? Je voulais dire de rétropropulseur, mais ils arrivent à se propulser via l'énergie vapeur, soit l'univers steampunk de vapeur. Et en fait, ils se déplacent à la Spider-Man, mais vraiment à la Spider-Man, mais avec des grappins et des trucs. Mais c'est, en fait, il faut que tu vois. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça se passe dans un univers médiéval et la particularité. Médiéval steampunk. Voilà. C'est qu'en fait, ça part du principe que le monde tel qu'on le connaît a été envahi par des géants et est retourné à l'âge de pierre, enfin au Moyen-Âge. L'âge Moyen-Âge, ouais. Voilà. En fait, l'humanité subsiste dans un cercle concentrique de 3 grands murs, donc forcément... Alors, Rosa, Maria et Sina. Donc forcément, en périphérie, t'as les pauvres, et plus tu te rapproches, t'as les riches, forcément, comme dans tout. Et voilà, quoi, c'est le héros... il a perdu sa mère qui s'est fait buter horriblement devant lui, son père a disparu, on sait pas pourquoi, et il veut rentrer dans l'armée pour combattre les titans. Mais là, je viens de me rappeler en fait que je l'ai vu. mais par contre, c'était un magnifique exposé, j'ai encore mieux compris ce que moi j'ai vu et entendu. Mais c'est vrai pour ceux qui n'ont pas compris. Mais oui. Et ceux qui ne connaissent pas la série, et ça sort quand? C'est... Je l'ai dit trois fois, en avril 2017. Mais il faut qu'on le dise en avril 2017. Mais c'est trop loin, avril 2017. Et pour ceux qui connaissent de nom, qui n'ont jamais vu ou qui ne connaissent pas du tout, regardez la saison 1. Elle est tellement magnifique. J'ai montré ça à ma mère qui déteste les mangas, qui me prend pour un gamin attardé parce que je regarde des dessins animés alors que j'ai 25 ans. Je lui ai montré l'épisode 1. Mais t'en as 53, non? Oui, n'est-ce pas? Mais il est où ton fauteuil? Je lui ai montré juste l'épisode 1. Arrête de mentir aux auditeurs. On la ferme, je dis quelque chose de sensible sur ma vie. J'ai juste que ma mère, elle a adoré l'épisode 1 alors qu'elle déteste tout ça. Mais même moi pour le truc, c'est... C'est ultra méga gore de dingue dont ta mère, avec tout le respect que je dois à ta maman en tant qu'invitée pour la première fois dans ce podcast, elle est dingue. Oui, mais comme il y a une histoire à la fin avec sa maman, ça l'a touchée, voilà. Oh. Elle s'est dit, oh, ça peut être moi. On l'a tous conseillé à Abe. J'ai adoré, direct. Ah, mais ouais. j'ai dû regarder toute la série à la suite, quoi. Et en fait, tu vois, cette série sortie il y a 3 ans, c'était à peu près l'âge d'or de The Walking Dead. Et beaucoup de personnes. Moi, j'ai regardé Walking Dead d'ailleurs. Beaucoup de personnes ont fait le parallèle avec cette série parce que, comme tu viens de le dire, c'est gore, il y a des morts tout le temps, il y a du fight, donc ça emboîte le pas à toutes ces séries émergentes où il y a beaucoup de morts à chaque épisode, quoi. Ouais, et puis on s'attache aussi aux personnages. Ah, c'est pour ça que dans Walking Dead, tout d'un coup, on a vu des grappins et des mecs qui sautaient à la vapeur. Qui sautaient à la vapeur. Ouais, oh, j'ai cuit à la vapeur, ton comme zombie. Comme les frites et les pommes de terre. Ça doit être un geste parce que je l'ai pas vu. Alors moi, je le compare plutôt à Game of Thrones par rapport au fait que, en fait, voilà, chaque héros, chaque personne dans ce manga, tu ne sais pas s'il va survivre. Ou s'il peut mourir comme une merde, éclaté contre un mur par un titan, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Ouais, mais c'est ça la différence entre Game of Thrones, où t'as des morts de dingue, t'as des trucs qui te... Ouais, non, là, c'est... Ah oui, oui. T'es éclaté contre un mur. C'est the end, quoi. The wall. sans spoiler rien, c'est juste que t'as deux personnages à un moment où t'es là, oh, bah, ils sont cool, à mon avis, ça fait partie des personnages qui seront potes avec le personnage principal. Ils sont morts. et oui, non, mais c'est vraiment, c'est des adolescents qui sont envoyés au charbon, et boum, il y a un titan qui arrive, qui prend le fil donc, de leur grappin de équipement tridimensionnel, merci. Il prend le fil, et puis, puisqu'ils ont aucune émotion à part une béatitude totale, un grand sourire malsain, atroce. Mais c'est peut-être eux les plus heureux. Je bute des gens, je suis heureux. La la la la la la. Et donc, il prend le fil et éclate les mecs contre un mur, mais t'as aucune transition, t'as pas la musique, elle fait juste genre. Voilà, et ça continue, et le combat continue, il y a vraiment, mais tout le monde est horrifié, et c'est incroyable, c'est juste Mais la violence du manga, dans ce sens-là, tu le dis très bien, Jonas, c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'émotion, il y a... Il y a 53 ans, ok, respect. Il y a de la musique dans cette série, et les musiques sont absolument magnifiques. Non mais je suis d'accord, mais il y a ce côté très réaliste de... Bah, tu te fais prendre par un géant titan, bah voilà, ils tu meurs. Ils sont pas de sexe, hein, je rappelle. Pardon. Oui. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Pardon. Non, mais par contre, j'ai pas pu dormir après avoir regardé cette série pendant moins de semaines. Alors, mon premier broadcast, c'est l'annonce de la Switch au monde entier. Vous voyez la console de Nintendo, la prochaine console de Nintendo? Non. Non, pas du tout. La Switch, c'est une console, donc à la fois console de salon, sur laquelle tu la poses sur une base, ça s'affiche sur ta télé, et en même temps, tu prends les petites les Joy-Con, les petites manettes sur le côté, et c'est une tablette. Tu mets tes deux petites manettes sur le côté de la tablette, et tu la transportes où tu veux. Et ils l'ont annoncé, en fait, dans une conférence... Enfin, c'est plus une conférence de présentation. En fait, c'est un peu retour vers le futur, quoi. Ils font du vieux en montrant que c'est du neuf. Bah, c'est plus... en voulant nous faire croire que c'est du neuf. Non, ils prennent surtout le concept de la Wii U, qui à la base, c'était une mablette, C'est, bah, tu peux jouer à la fois sur ta télé, à la fois sur ta tablette. En et... darmnet, c'est une main blette. en plus performant. Et bon, comme je suis le seul à être au courant de ça, que vous vivez sur Mars ou dans non, une. Non, mais surtout que les jeux vidéo, cab. Moi, j'aime pas trop. Donc, voilà. Je n'aime pas ça. Le manga. C'est pour les gamins, c'est pour les gamins, les jeux vidéo. De toute façon, dans ton fauteuil roulant, traverser Paris, c'est tous les jours aux jeux vidéo pour toi. Ah, je sais, mais tu sais, handicapé de nos jours. Dans le métro, c'est Indiana Jones. Dans... Oh, vas-y, je passe sur les rails là, rien à battre, connexion. En tout cas, ils ont fait donc, au lieu de faire un Nintendo Direct que, à part les fans vraiment pur jeu de Nintendo, personne ne regarde, donc juste des petits lives comme ça. Là, ils ont vraiment fait une conférence, et même si, quand on est habitué aux lives de Sony, enfin, les conférences de Sony, elles sont super impressionnantes, même celles de Microsoft, c'est... Ouais, ils ont de la thune, hein. Sony, grâce à PlayStation, mais sinon, bof, bof, bof, hein. En tout cas, ils vendent du rêve, ils mettent le show à l'E3, c'est assez souvent le cas. Et là, pour le coup, c'était vraiment chouette de retrouver Nintendo avec une ambiance de conférence, avec vraiment des trucs cool. Non, mais... Nintendo. Putain, mais... Je sais pas, moi, je trouve ça génial, une console que tu peux mettre à la fois donc, sur ta télé et à la fois transporter partout avec toi. Enfin, ouais, vous donc, trouvez du coup, pas... t'as encore 10 000 fois plus de chances de te la faire voler, casser... Bah, ton téléphone, tu joues avec tout le temps, et pourtant, t'as effectivement la chance de... La chance de te la faire raqueter. Non, mais après, oui... Même si t'as pas envie de le sortir en dehors de chose pour que ça fasse frapper par terre ou voler ou quoi, genre si tu vas aux chiottes, tu peux jouer aussi. Mais voilà, c'est ça là. C'est magique. Mais voilà. Tu peux chier des jeux vidéo. Mais non. Et je suis sûr qu'ils vont faire un jeu exprès pour les gens qui vont aux toilettes. Tu vas pouvoir mesurer vous l'intensité de ton pipi. Tu vois des frissons, tu lâches des crottes et t'as une cuvette, tu la déplaces de gauche à droite pour attraper les crottes. Ce qui existe déjà au Japon, hein. Tu peux, dans les pissotières, tu as des jeux sur la pression de ton pipi, tu vois le score du mec, des trois mecs précédents, et t'essayes de les battre, ou alors tu dois diriger un personnage c'est avec le jet de ton urine. Scandinavie. Enfin, en tout cas, notre premier invité, donc j'ai pas précisé, est professionnel dans l'urine, il va nous parler de ça pendant dans notre sujet numéro 2. Je prends de l'urine de vache tous les matins, ça maintient en forme. Oh, que j'aime ça le petit matin. Cold peace for great breakfast. Bah, la console, sinon, donc, j'ai compris que le principe vous attirait pas forcément, mais elle coûte 299€. Prix de base. 2-3 heures jusqu'à 6 heures d'autonomie. Ça dépend des jeux, donc plus ou moins gros. Donc par exemple, le Zelda Breath of Wild. Je sais plus si c'est ça. Breath of the Wild, eh bien, lui, ce sera à mon avis 2 heures, 2-3 heures. Enfin, une PSP, ça faisait 3 heures. Ouais, 2 heures et demie avec un jeu. Non, mais en jeu. Ouais. Mais après, qui est le public cible? Parce que, comme tu l'as dit, on a des iPhones qui valent plus cher déjà que la Nintendo. On a une PlayStation, enfin ils arrivent un peu tard quoi. Quel est le public cible? J'ai l'impression que personne va l'acheter. Bah, ils arrivent tard puisqu'ils se sont plantés avec la Wii U. Enfin, on peut le dire, hein, c'est planté. Ils ont vendu quoi, 15 millions de consoles. Enfin, mais ils s'adressent déjà quand tu vois les ventes de la Nintendo DS, qui est quand même une des consoles les plus vendues de l'histoire. Enfin, c'est je sais plus, plus de 100 millions de consoles portables vendues. Et en tout, avec tous les modèles différents, je ne sais pas combien ça fait, plus ceux qui achètent donc, les consoles de salon Nintendo, bah, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont potentiellement... Moi, mes petites sœurs, ils voulaient absolument la Nintendo. Hein. Non, mais par contre, la DS, c'est vrai que c'est une console qui a sauvé énormément de parents qui voulaient aller faire la chouille et qui mettaient tous leurs enfants dans une pièce avec une DS. Donc, c'est après François Dolto, la plus grande avancée dans l'éducation de nos enfants, c'est la DS. C'est sûr que ça a sauvé des parents, surtout dans la voiture et tout. Mais pour moi, enfin, déjà le prix, ça vous avait fait grimacer, moi aussi, puisque là tu peux t'acheter une PS4 à 249€, une One aussi, à mon avis, au même prix. Et est-ce que ça fait tourner des jeux aussi bien c'est... Bah, pour l'instant, moi, ceux qui m'ont vraiment. Xenoverse. Je sais plus si c'est Chronicle Dragon Ball, ou ça, c'est Naver... Non, non, non, c'est un RPG, un JRPG qui est vachement. Bah, qui est... Ouais. Non, mais bah, c'est pas non plus très très connu en Occident. Enfin, c'est Xenoverse et puis je ne sais plus. Et sinon, bah, Zelda, il a l'air cool. Mais moi, le seul jeu en fait qui me ferait acheter là. C'est Zelda. Non, non, c'est Monster Hunter. Ah. Ah, Monster Hunter, tu me mets ça avec deux manettes, tu peux jouer n'importe où avec plusieurs personnes. Ah non, ah oui, non, moi j'achète direct. Moi je témoigne parce que je suis aussi invité, mais dans la vie réelle, je suis aussi frère de Jonas. Et il a passé des milliards d'heures sur ce jeu Hunter machin. Il m'a offert une console. Juste pour pouvoir y jouer avec toi. Ouais. Salaud. Mais oui, c'est vrai que j'ai 700 heures cumulées sur Monster Hunter 1 et Monster Hunter. Et il a toujours pas réussi à tuer le Rashrokrokromach. 700 heures, c'est un mois en moyenne. Je vais me faire le calcul dans ma tête. C'est un mois. Il a passé un mois de sa vie à ne jouer que ça. Alors, on va passer au Brawl d'Antonin, qui a une histoire d'amour incroyable au Japon. Alors, moi, entre je... une belle biche et un singe. Merci de spoiler mon intro. Mais de rien. Voilà. Moi, je me suis dit, première fois invité, et si, ben voilà, ce sera peut-être la dernière fois que je suis invité, puisque ma chronique est un peu bizarre. Alors, il faut savoir. Virez-moi ce con. le 10 janvier 2007, s'est passé un élément incroyable qui a changé tout le règne animal et aussi la perception des hommes sur les animaux. Ça a été relégué par Le Monde, le Huffington Post, Le Parisien, La Charente-Maritime Libre et aussi Aimons les animaux au-delà de la légalité magazine. Tu viens d'inventer le dernier, je pense. Il y a un photographe animalier qui, le 10 janvier 2007, a photographié et filmé sur l'île de Yakushima au Japon une biche Sika, ou plutôt une biatch Sika, en train de s'accoupler avec un singe. Donc le singe... Mais pourquoi ce serait elle la biatch? C'est super sexiste ce que tu dis là. Mais apparemment, elle l'a bien cherché. Retire ce que t'as elle dit. Elle pas moi. Didi, reviens. Apparemment, le pauvre babouin, il s'est senti rejeté par sa communauté, donc du coup, il a bien... Mais il faut savoir que dans cette île de Yakushima vivent des babouins qui sont extrêmement évolués, à la limite de l'humanité. Ils prennent des bains, ils lavent leurs patates, et ils font du rodéo. Donc ils se mettent sur les biches, et tout d'un coup, ils les tapent jusqu'à ce qu'elles se cassent. Et voilà. Des singes et proches. Et donc, amis. Du coup, ce photographe a filmé toute la séquence comportementale. Une planète des singes BDSM. C'est exactement ça, quoi. T'as mis une parenthèse, cette année sort le troisième opus de la nouvelle saga de Planète des singes. Pardon, Antonin, continue. Et qui allait vraiment à chier d'enfoiré. Bon, mais en tout cas, bon, ces singes vivent avec ces biches. Pour l'instant, moi, je préfère son histoire que les films. Ils vivent avec ces biatches Sika, enfin, ces biches Sika. Bon, voilà, ils leur donnent à manger, elles leur donnent à manger, bon, des trucs comme ça, voilà. Et ce photographe a filmé toute une séquence comportementale d'une saillie. Donc, tu t'imagines si on inverse les rôles et tu as un singe qui dit « Oh là là, what the fuck ?» On a été sur Pornhub, on a vu toute une séquence de comportementale de saillie avec Lara Morgan. Ce serait plutôt marrant, quoi. Bon. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'un non-humain s'accouple avec une autre espèce, donc faut voir à quel point on est fucké. À notre connaissance. Voilà, et pour, non, et pour tout vous dire... Sous l'eau, il doit se passer des trucs chelous aussi. Et pour tout vous dire, je pense que si Hitchcock a fait le... Bon, là, je vais peut-être pas dire cette blague, on coupera le montage. Parce que je me disais que c'est pas la première fois, si tu veux, que... Vas-y, fais la blague, vas-y, assume. Non, parce qu'elle arrive après dans ma chronique. Ouais. Non, mais c'est pas la première fois qu'on aperçoit ces comportements violents chez des animaux. Par exemple, on a en 2014 des otaries qui ont violé tout un banc de manchots. Et il faut savoir que le scientifique dit, mais voilà, bon, ils n'étaient pas très consentants. Les manchots, il y en a qui ont été blessés, d'autres dévorés. Et il dit que c'est du harcèlement. Donc, si tu t'imagines dans la vie réelle, genre, tu dévores une meuf après l'avoir violée, tu es qualifié de harceleur. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est... ça dépend des cultures. Moi, je dis, il y a lieu... Surtout au Japon. Surtout au Japon. Les Japonais sont déjà assez fuckés dans leur tête au niveau de la sexualité. Ils sont pas fuckés. Même leurs animaux, ils ont une sexualité extrêmement évoluée qui ah non, non, dans les fictions. Ouais, ouais. Dans les fictions. En vrai, les Japonais sont très coincés du cul. Mais dans la fiction, c'est le contraire. Moi, j'ai fait un mémoire de licence en sociologie sur la sexualité des Japonais avec mon ami trans. Et c'était super intéressant parce qu'ils sont extrêmement coincés, ce qui fait qu'il y a des comportements complètement fuckés. Bon, mais qui sont extrêmement intéressants. Mais voilà, et je me suis dit que si Hitchcock avait fait, tu vois, les oiseaux, eh ben je pense qu'il faudrait un réalisateur qui puisse faire les singes violeurs de l'île de Yokushima. Bon, voilà, bah... mais... Attends, on va faire un silence pour couper. Vas-y, c'est bon. Mais par contre, je me dis, ce qui m'a vraiment extrêmement étonné, c'est que cette nouvelle a fait le tour du monde, quoi. Et, mais vraiment, ah oui, c'est sûr que c'est très important. Mais le Monde, le Huffington Post, machin, etc., ça a été extrêmement relié. Je me suis dit que, en fait, on a mis en avant ce viol d'une pauvre petite biche pour en cacher un autre, le viol de la démocratie par un babouin avec une perruque peroxydée qui, 10 jours après, a pris un peu les commandes du pays le plus puissant du monde. Et ça fait mal aux fesses. Ouais, d'ailleurs, bravo! Au discours! Bravo! Cantonné à la France entière. Notre premier invité, donc spécialiste de la sexualité des babouins et de l'urine. Non, des babouins japonais. Bilka, toi, tu es assistant à tes heures perdues d'Antonin. T'avais un truc à dire aussi sur Trump, si je ne m'abuse. Oui, bah non, vite fait, pour souligner les exactions du gamin, parce que ça fait... ça fait chier, merde. Non, parce que le gamin, ça fait une semaine, jour pour... jour pour jour. Voilà, ça fait une semaine qu'il est au pouvoir, il a déjà retourné l'Amérique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est le bordel. Faire un mois, il va se faire buter. Je pense pas, c'est lui qui contrôle tous les trucs d'armes et tout. Mais non, mais il faut savoir que donc il a remis en marche deux constructions d'oléoducs, il me semble, entre le Canada et les États-Unis, qui avaient été arrêtées pour raison évidente de destruction du climat, de la nature à cet endroit-là. Ils sont fous. Et il a également, alors ça c'est plus grave, enfin non, les deux sont extrêmement graves, c'est que il a fait passer donc des lois pour la communauté scientifique qui ils peuvent maintenant plus faire de déclarations eux-mêmes, ni sur les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit, et tout ce qui parle du réchauffement climatique, ils doivent d'abord passer par l'administration. Parce qu'il considère que c'est de la connerie, que c'est pas vrai. Ouais. Bah, c'est fou quand même. Le 50% du... Enfin, la grande moitié du Sénat est composée de climato-sceptiques et le ministre du climat est climato-sceptique. Ah ouais, c'est génial. Et l'autre, c'est Exxon. Enfin bref. Antonin, Je suis très content d'être sur RFI ce soir. Mais en tant que spécialiste du Japon, je suis aussi spécialiste du viol des Américains. Mais après... Par des taureaux. Bon voilà, ok, il y a un président complètement maboule. Ok, la majorité des ministres, par exemple, ministre de l'Environnement est un climato-sceptique, etc., etc. Bon, voilà, sont complètement à l'inverse de leur rôle, on est d'accord. Mais pour l'instant, on est en période de transition. Ça veut dire qu'il y a encore, il y a encore des portes qui se ferment par rapport à Donald Trump. Et surtout, merde, quoi. C'est une démocratie. Ça reste une démocratie des États-Unis. Il y a eu un énorme mouvement à travers le monde et surtout aux États-Unis, et véhiculé par les femmes. Et ça, génial. Alléluia, les femmes. Pitié, résister. Et voilà, il faut faire confiance aussi au peuple américain. Il faut savoir que c'est quand même un système fédéral. Donc la Californie est par exemple le premier État à avoir dit un gros fuck à Donald Trump, et on est tous un peu californiens. Ouais, j'avoue. Ben, merci, t'as pris la défense. C'est vrai que l'ingérence, c'est pas cool. Oui, t'as pris la défense du peuple américain. Ouais, sachant qu'ils sont 2 millions à avoir voté de plus pour Hillary. Alors, on va passer... C'est exactement ça. Ça s'appelle un viol démocratique. On va passer à un sujet beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. C'est le nouvel album de The XX. Qui je suis personnellement très fan. La fois dernière, donc, dans la maquette, j'ai parlé de London Grammar. Finalement, ça peut se rapprocher. Mais c'est donc ICU, sorti le 13 janvier 2017. C'est après, finalement, l'album que Jamie XX il avait fait avec la chanteuse de The XX en 2015, en mai 2015, où il y avait... De XX. Bah non, c'est pas rien, quoi. lequel des deux est ex et lequel des deux est ex? Alors, je sais pas ce que ça représente. Peut-être, en effet, homme, femme, je ne sais pas. Et en tout cas, eh bien, j'ai vraiment bien aimé cet album. Peut-être pas autant que les deux premiers. Il semblerait, en fait, que ce soit surtout Say Something Loving qui a du succès après que Hold On, On Hold, pardon, ait été publié. Et personnellement, bah, j'aime beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai préféré les premiers albums. Je trouve qu'il y a moins d'originalité dans le dernier, en fait. Ouais. Bah, c'est... Et puis, ça se transforme plus en électro assez classique. Bah, comme je voulais dire juste avant, c'est en fait avec Jamie XX, le producteur, il a fait un album avec donc, la chanteuse de The XX qui était un peu plus électro, qui avait plus de rythme. Tu pouvais le mettre en partie, enfin en soirée tranquillement. Et bah. Là, moi, je vais vous faire écouter mes deux favorites. C'est d'abord Brave For You. And when I'm scared, I imagine you there, telling me to be brave, so I will be brave. C'est aussi l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est I Dare You. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux extraits? Ah non, mais pas les chips, sérieux! Non, entre deux chansons, j'ai mangé des chips. Mais c'était un extrait! Bah, les musiques sont pas mal, hein. C'est un petit peu trans, un petit peu... Oui, dans le micro, c'est mieux, hein. T'as vu, comme les chanteurs. Moi, je m'en fous, je suis un anarchiste. Non, oui, c'était... C'était pas mal, c'était sympa, j'étais emporté. Bah, ces deux chansons, ces deux extraits, moi je trouve qu'ils se rapprochent plus donc, de l'ancien album Coexist. Donc Abe a trouvé aussi que c'était bien. Moi je trouve que cet album c'est un pur chef-d'œuvre. C'est un pur chef-d'œuvre. Pur chef-d'œuvre, Antonin. Mais moi maintenant je sais ce que ça fait d'être un poisson rouge dans une rave party. C'est quoi? Parce que ça fait plein de boum, boum, boum, boum. Mais par contre, je mets beaucoup de XX pour travailler. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup, mais il faut... ouais, je te fais un check. Pourquoi tu voulais me faire un check? Ah mince! Pardon, excuse-moi. Alors, les auditeurs le voient pas, mais j'ai juste levé la main pour parler. Mais maman, j'adore les checks. Je veux faire des checks. check. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Moi aussi, je me dis... un élan d'amour fraternel, je sais pas. Mais parce que normalement, tu fais comme ça, tu lèves à 30 cm. Mais non, faut que et là, tout d'un voit. Coup, tu le montres et tu viens vers moi comme ça. Et je me suis dit, ouais, on est des frères du XX. C'est toi, X, c'est moi, X. Mais ZXX, Abe, il l'écoute dans d'autres circonstances. Je sais que t'aimes bien l'écouter dans d'autres moments. Tu peux nous dire lesquels? Non, mais oh, c'est ma vie privée. Hein. Putain, c'est pour ça que tu tiens aussi longtemps. C'est tout lent. C'est tout lent. Non, j'avoue que pour poser une ambiance assez romantique. Mais Abe est un séducteur. Ben, on va enchaîner avec toi, du coup, avec ton brawl. Ouais, alors, j'ai vu en traînant sur les réseaux sociaux que l'éditeur Oddworld Inhabitant va sortir un nouveau jeu. Et il a fait quoi, comment cet éditeur, avant? J'ai pas encore le nom, j'ai pas trouvé le nom. Oddworld Soulstorm. Ok, ouais. Bon, super, merci. Et donc, c'est un nouveau jeu, Abe. Donc, Abe, Oddworld, Soulstorm, et c'est... Tu viens de violer la langue anglaise. Oddworld Inhabitant et Freeman Studio. J'ai pas compris la différence entre les deux, mais ils font cette suite. Enfin, je sais même pas si c'est une suite. Non, c'est pas ce que c'est d'ailleurs. Mais du coup, j'ai été sur le site et ils demandent en fait... des conseils ou des idées en fait un peu aux anciens fans des jeux, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Je pensais qu'ils demandaient à la base un crowdfunding, mais apparemment c'est simplement un teasing, un site où ils publient au fur et à mesure des images d'Abe, du futur jeu, du design en tout cas du personnage. C'est assez joli, je trouve. C'est en noir et blanc, c'est juste Abe, on le voit juste. Et c'est assez étrange comme nouveau design, je trouve. Je sais ton avis sur la question. Ouais, c'est... Bah déjà, je sais pas comment dire. Dans leur façon de créer, déjà, ils ont vraiment une identité assez prononcée. Et je pense qu'ils veulent trouver le bon truc pour... comme avant, quoi, essayer de trouver... Là, ça me paraît justement plus lisse qu'avant. Enfin, où tout était bien crade. Là, ça me paraît plus lisse, mais du coup, beaucoup plus étrange, en fait. Donc, au final... Enfin, par exemple, moi, ces tatouages, je les trouve super stylés, quoi. Et le personnage, il est un peu plus lisse. Et en tout cas, c'est un beau paradoxe d'avoir pu entendre Abe parler d'Abe. LOL. Voilà. Il s'est dit, oh, quand est-ce que je vais pouvoir la placer cette blague? Je l'avais préparée, hein, ça fait longtemps là. Maman, c'est pour toi, je te dédicace ça. Mais on va enchaîner du coup sur une superbe chanson qui met en joie, avec laquelle on a l'impression de faire du vélo avec des jolies petites couettes et un rire de psychopathe. Qu'est-ce qu'il raconte? Les États-Unis, quoi. Beneath that snowy mantle, cold and faint, the unborn grass lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings, and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. When I was young, my heart was young then too. And anything that it would tell me, that's the thing. Such emptiness within, for the thing that I want most in life's the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. Along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. Yeah, if I could, you know that I would fly away with you. Non, Milka, reviens, reviens, arrête d'aller dans le champ d'herbe, tout nu. Excuse-moi, c'est la magie de Noël. Oh, c'est beau. J'ai mes boules qui sont... Lol, non, non, mais arrêtez avec ça, Didi. Ouais, mes boules de Noël. Ah oui, bah oui. C'est comme ça que t'as engraissé la barbiche. Il faut avoir une bonne couverture. T'as glissé dans l'herbe et bam, chez encastré. Lee. Parlez pas tout ça. Je me dis de la merde. Mais non, mais c'est ouais, 117 rayons, ne répond plus. Exactement. Alors, c'était Snowbird, Dan Murray. Donc, t'avais au moins le snow dans ta phrase, ouais, qui était bon. Donc, et pas... on sait pas si t'as les bons. Knacky Ball, c'est bon d'avoir des balls. Merci. Ouais, bon, vas-y, non, on va arrêter de délirer, vas-y. Ouais, mais pourquoi Didi n'est pas là? L'humour est mort, c'est aujourd'hui. Amen. Donc, paru en juin 1970, c'était donc Snowbird, Dan Murray, une Canadienne, donc chanteuse de country music. Bah non, à mon avis, c'est canadienne côté anglophone. Et c'est une chanson écrite par le Canadien aussi, Jen McLellan. Elle a été reprise par pas mal d'autres chanteurs, comme Elvis, en fait. Du coup, je pense qu'il y avait une version beaucoup plus sympa à mettre. Mais j'ai mis celle-là parce qu'elle met en joie, quoi. Elle est cool. Et puis, en plus, je crois qu'elle est passée dans... Allez, Family Guys, et comme j'aime bien Family Guys, c'était une bonne occasion de rigoler. Bah, t'aurais dû la mettre en période de Noël, ça aurait été plus festif. Ah, il y a aussi Burl Ives qui l'a reprise. Et Burl Ives, c'est toujours sympa, écoutez. Voilà. Alors, ouais. Comme vous avez pu le comprendre avec le premier... le brawl de Abe, on va maintenant parler de l'Odyssée d'Abe. Ouais. Mais avant ça... Mais pas de Abe, s'il le nôtre. Vous plaît. Un autre Abe. S'il vous plaît, on va se faire un petit orgasme nostalgique. Vous êtes prêts? Ah, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table et pour dire quel jeu ça nous fait penser? Moi, ça me fait penser à Jurassic Park sur PS1. Ah ouais, il était excellent ce jeu. Ouais. Ben, nous, on était pauvres, on n'avait pas de PS1. Ça. On allait chez les voisins. Si, on jouait à un jeu XXL machin, je sais pas quoi, Snowboard. Là. SSX. SSX, ouais. Mais c'est pas sur PS1. Non, ça c'est un autre truc. Si, il y a un SSX qui est sorti sur PlayStation 1, le tout premier. Hein. Mais yeah. Voilà, dans oui. Vos Snowballs. Et Abe, toi, ton premier jeu, ça a dû être sur la Resident Evil. Oh yeah. Ouais, toi, on sent que t'es un hard rocker depuis l'enfance. Ça, on l'abordera peut-être dans un sujet sur les traumatismes d'enfance, parce que... Ouais, j'avoue que... Abe et moi, on s'est enfermés. Enfin, on a fui. C'était horrible. Alors... Ah, c'est ça quand on pique les jeux des parents. Avant, on piquait les BD, maintenant voilà, on pique les jeux. Voilà. Alors, nous sommes en 1997 et le petit Abe découvre justement un autre jeu, un jeu de plateforme développé par Oddworld Inhabitants, donc toujours les mêmes, et édité par GT Interactive, sorti donc sur PlayStation 1. Ouais, et on va d'abord se passer l'intro, ça résume bien l'histoire en plus. Voici Rupture Farm. Ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur Oddworld. Je travaillais ici. Enfin, en réalité, j'étais un esclave, comme tous les autres. C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Tout ça parce que j'ai rencontré le patron le plus terrible du monde, Moluc le Glucon. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. et aussi de délicieux gâteaux au Scrabble. J'étais content de mon travail, jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps. Mais ce que je découvris me terrifia. La chute des profits inquiétait les glucons. Okay. What? Mais Moluc restait cool. Sure. Hey, bud. Il avait un plan. Yeah. Ce nouveau plat tant attendu... C'était nous! Il fallait que je m'échappe. Il fallait que je sois libre. Et je ne savais même pas que mon destin était tracé. Je t'en prie, tire-moi d'ici! Mais bon, Luc, reste un col. Mais remercions ce jeu qui a inspiré Gollum, du coup, pour la série. Je pense pas. Bah, en tout cas, l'intro résume bien l'histoire. Ouais, sachant que juste après, le personnage, enfin le joueur, le Abe, il est lâché directement dans le jeu, quoi. Mais en fait, c'est un film de ce. C'est un jeu vidéo de socialiste, là. Et les patrons, c'est des glucons. Non, mais c'est ça, il y a quand même des messages en, à travers. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est la malbouffe, on s'autoconsume, on s'autobouffe, en gros. En fait, c'est Super Size Me, merci patron, mélangé en un jeu vidéo, quoi. Bah là, en fait, c'est ça, dans le monde, parce qu'en fait, Oddworld Inhabitants, ils ont créé donc le jeu qui. Enfin, un monde, donc c'est le monde d'Oddworld. En fait, et du coup, dans ce monde-là, en fait, t'as un peu juste donc, notamment les socialistes, comme tu dis, donc ceux qui. Les esclaves, voilà, c'est ça. Non, ceux qui ont les grosses. Oh, Mélenchon ceux les cocos ceux qui ont les grosses usines et qui exploitent un peu. Mais ça, c'est pas les socialistes, les ressources de la terre, etc. Et t'as en fait, justement, donc les créatures, donc le peuple d'Abe. Les Mudokons, voilà, qui eux sont plus en communion avec la nature. C'est donc, les elfes, en fait. C'est des putains. Putain de hippie, voilà, on va les dégommer. Mais en effet, ils ont créé un univers d'abord, donc l'univers Oddworld, donc monde étrange, où il y a en fait 4 jeux qui sont compris dedans. Donc l'Odyssée d'Abe, l'Exode d'Abe, l'Odyssée de Munch et la Fureur de l'étranger. Et tous ces jeux n'ont pas forcément le même gameplay. Par exemple, la Fureur de l'étranger ou l'Odyssée de Munch, pardon. Pas la Fureur de l'étranger, c'est un FPS, voilà. Mais c'est quoi un FPS? First Person Shooter. Donc comme dans Call of Duty. Voilà, c'est un jeu à la première personne où tu tires sur des trucs. Voilà. Mais, en tout cas, il s'en prend plein de glucons. Hein. Quel animal ferait ça pour dans cette situation, docteur? Un petit singe. Alors, S'exile, il a failli se faire bouffer, il s'exile, il se tape un étranger. Ah non, il s'exile pas, il fuit, il fuit. Il fuit, il s'auto-exile. Le jeu fuit. Non, parce qu'en fait, comme on a vu dans le petit extrait, en fait, il apprend que... Ah, on l'a bien vu, oui. Non, on apprend que finalement, l'usine, en fait, ils ont plus de profit. Du coup, ils vont prendre les esclaves pour en faire de la bouffe, en fait. Ouais, ouais. Donc du coup, il doit dire putain, je veux vivre, faut que je m'échappe quoi. Mais on voit bien le principe inhérent au capitalisme qui est de s'auto manger. Parce que une fois que tu as mangé tous tes esclaves, bah tu fais quoi, hein? Bah tu te manges. En effet, mais c'est un ouroboros. Tu manges ta merde, docteur. Tu les chies, tu les manges, voilà. Et après ça. Pour savoir qui est complètement objectif, Abe, est-ce que tu as aimé ce jeu? Mais carrément, c'était un jeu de fou, quoi. Surtout pour l'époque, quoi. Il faut savoir qu'il est sorti en 97. Et pour l'époque, il était révolutionnaire, puisqu'il y a eu notamment les premières intelligences artificielles. Donc c'est le moteur Alive. Alive, je sais pas comment Alive. Ça se dit. Alive. Aware Life. Life form in virtual environment. Yeah. Yeah. Donc, bravo. C'était Skynet en fait. Tu veux dire que Abe, ça pouvait aussi, il pouvait aussi faire Tamagotchi? Non. Mais on va l'aborder. On va faire point par point. On va d'abord parler un peu du projet à la base. Comment ça s'est passé? Comment ça, enfin, le développement. Donc, il a démarré en 1995 sous le nom de code justement de Soulstorm, donc tempête de l'esprit. Et ce nom, on le retrouve donc dans le nouveau jeu qui va sortir. Et c'est aussi le nom de la bière, quoi. On est en train d'égorger un cochon dans la rue. Alors, non, j'habite près d'une école et en effet, ce sont des enfants qui marchent. Qui marchent oui. Attends, pause parce qui que... marchent vers leur mort. Dans l'école à côté du podcast, et on avait plus de viande à la cantine, alors on a pris les enfants. Et les repas, c'était nous. Donc, ils ont acquis en fait les droits du jeu par GT Interactive en 96 et il est rebaptisé donc Oddworld Abe's Odyssey. Et comme j'ai dit, le nom Soulstorm, il est resté pour le nom de la bière dans ouais. l'univers d'Abe, l'univers d'Oddworld. Et ah oui, tiens, au Japon, il s'appelle. Abe a go-go. Ouais. Genre Abe a go-go dancer, Toy Story. Et Hounding Death. C'est pas le même éditeur d'ailleurs, du coup. Ah oui, c'est pas le même éditeur. Non, c'est pas GT Interactive. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas eux. Bon. Ah, merci. Il y a eu plagiat. Je l'ai pas noté. Mais, En tout cas, à une époque en fait, où les personnages de jeux vidéo ils étaient de plus en plus forts, de plus en plus puissants, t'avais Tomb Raider, t'avais des héros de ouf. Là, tu joues un concierge. Et il est super fragile. Quoi. Il a pas d'armes, il meurt en un coup. Et c'est vraiment du die and retry. Ouais. Alors en fait, du coup, ouais, il faut savoir que du coup, il y a pas de vie en fait dans le jeu. En fait. Enfin, on a des vies à l'infini, pardon, je veux dire. Mais du coup, on a des points de réapparition qui sont assez fréquents. Ouais, les points de sauvegarde sont en plus assez dispersés. Ouais. C'est très difficile puisque le jeu c'est que des animations pré-rendues en plus. Donc tous les mouvements que tu dois faire, tu dois vraiment les calculer au millimètre près, carrément, pratiquement. Et comme j'ai dit, les points de sauvegarde, ils étaient vraiment éloignés. C'est un jeu de plateforme aussi, je crois. Oui, oui, c'est évidemment plateforme énigme. Moi, j'imagine bien Abe, à 87 ans, dire à ses petits-enfants « Vous en voyez, mes petits-enfants ? À l'époque, quand il y a du syndical, c'était du die and retry. C'était ça. C'était ça. Dans la rue. Et ils se parlaient des coucougnesses grands comme des molonesses. On a au moins parlé de l'analogie du jeu au socialisme, communisme... Capitalisme, communisme, socialo-maçonnique, n'est-ce pas ? Mais moi, j'ai un rapport très particulier avec ce jeu, c'est parce que mon grand frère, il jouait, mais il C'est voulait... celle qui m'a fait acheter ma carte du FN. Voilà, voilà. Gloire à Jean-Marie. Non, mon grand frère, il jouait, mais il voulait pas que j'y joue. Du coup, en fait, je le regardais jouer. Et c'est vrai que, bah là, on l'a vu dans l'intro qu'on a passé, c'est vraiment immersif, il nous raconte sa vie, voilà, on sent une empathie pour lui. Mais on l'a pas vu, on l'a entendu, arrêtez, oh, bordel on l'a perçu, hein, on m'a fait pas chier. et après, genre, il faut me faire sortir, aide-moi, mon précieux. Et toi, t'avais envie de l'aider. Ouais, voilà, grave, mais mon frère, il me dit, non, c'est moi qui joue. Parce que ton frère, c'était un glucon. Oui, surtout un con. Oui. Non, mais c'est vraiment immersif ce jeu. Ouais, mais pour l'époque, la qualité graphique était c'était vraiment très très poussée, ouais, et les cinématiques incroyables. Mais tout l'arrière-plan était pré-rendu lui aussi. Et, oui, et d'ailleurs, c'est un des premiers jeux de plateforme qui ont utilisé en fait plusieurs plans de 2D, du coup, ce qui donnait en fait, quand on avançait, il y avait par exemple le plan de derrière avançait moins vite que le premier plan. Du coup, ça donnait vraiment un côté immersif de 3D en fait. Ouais, fausse 3D, quoi. On peut dire que c'est un des premiers jeux en 2-5D. Quoi. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut facilement le hacker sur ordinateur? Oui, mais tu oui. peux l'avoir à 20 euros, tu peux le trouver. Hein. Ah, c'est trop cher. Alors, il faut savoir surtout qu'il y a un remake qui a été fait. Donc, si vous êtes un peu pas très emballé par les graphismes de l'époque, eh bien, vous pouvez le faire sur PS3, 360, Wii, PC. PlayStation 4. Ah oui, effectivement, sur PlayStation 4. Et sûrement sur One. D'ailleurs, je l'ai testé et... c'est exactement le même jeu. Les plateformes sont au même endroit, tout est exactement pareil. Parce que je connais par cœur le jeu. Tu veux dire que tu jouais avec deux manettes, et deux consoles en même temps et tu regardais une manette à droite. En fait, je connais par cœur les premiers niveaux et c'était exactement les mêmes, sauf que ils ont refait les graphismes mais complètement. Donc maintenant qu'on a dit comment se passait le jeu basiquement, eh bien résume-nous un peu l'histoire. On sait que il est dans une usine, c'est Rupture Farm, ouais. Voilà. Une usine assez glauque. Une usine de viande en fait, qui fait seulement ça quoi. Mais c'est très sombre, hein. C'est très malsain, c'est voilà, on se sent pas vraiment en sécurité. Bah non, c'est sûr que là. Dans ce genre de choses. Donc en fait, oui, donc il s'échappe de, donc de, enfin, on doit s'échapper de l'usine. D'ailleurs, on y par, il y parvient et il traverse du coup tous les enclos, etc. Parce qu'en fait, faut savoir qu'il garde certaines créatures prêtes à être mangées. Dans des enclos à l'extérieur de l'usine. À la scrap. D'ailleurs, ces niveaux-là sont assez chauds parce que du coup, t'as des scraps géants qui essaient de te bouffer et du coup, c'est assez chaud. C'est quoi un scrap ? C'est un crabe. C'est comme un crabe mais avec des grandes pattes. Alors attends, ça a quatre pattes, on va dire, d'ours sans peau et ça a une tête en forme de mâchoire de bec, tu vois. Je me rappelle plus de et ça. J'ai rêvé de ça hier soir, ça m'a fait peur. Et c'est un buste d'humain. Voilà, c'est vraiment un mélange chelou. Ouais, c'est assez dur à décrire. Et c'est genre blanc et rouge, rosé, comme les croustibates, quoi. Enfin, non, mais comme les bâtonnets de crabe, voilà. C'est la même couleur. Mais en fait, on est en train de vivre sa libération, hein, ce petit mec. Quoi. Parce qu'au début, il se plaît là-dedans, c'est l'employé de l'année. Oui, tout, en plus, il a eu des récompenses, etc. Et il est tout content. Voilà. Mais quand il apprend ça, il se dit, bah, je vais me faire manger, donc faut que je dégage d'ici au plus vite. Quoi. Le repas, c'était nous. Ouais. Et donc, du coup, on parvient à réussir à s'échapper de l'usine. Et en fait, mais... c'est un soir de pleine lune. Mais attends, l'élément, oui. Un des éléments importants, excuse-moi, je te coupe, c'est qu'il doit sauver. Mais non, mais ses c'est congénères. Après. Ça vient après, justement. Non, mais pendant tout le jeu, en tout cas. Mais non, c'est pas ça. Allez, laissons-le faire. Je suis le spécialiste de ce jeu. Non. Docteur Schmidt, Docteur Abe, parlez d'Abe. C'est une fois sorti de l'usine. Donc, c'est la pleine lune, en fait, et il voit qu'il y a une main qui est dessinée sur la pleine lune. Ouais. Et donc du coup il dit, ah c'est bizarre, on dirait l'empreinte de ma main en fait. Et du coup il essaye de mettre sa main par dessus en fait pour voir, et effectivement ça correspond à sa main en fait. Ah c'est vrai que ça explique bien les choses. Non mais attends, et du coup il est assez maladroit comme personnage, et du coup en fait il se casse la gueule et il tombe d'une falaise et en fait il meurt. Merde. Sauf que en fait ils ont des croyances, en fait ils ont un espèce chamanique. De ouais, un sage ou un chaman qui a des pouvoirs de fou, qui en fait vient le ressusciter. Et il lui dit, bon bah voilà pour sauver notre communauté, en fait tu vas devoir passer deux grandes épreuves qui vont te donner, si tu y arrives, des pouvoirs pour pouvoir retourner à l'usine et sauver un maximum de personnes en fait. En clair, il découvre que c'est l'élu qui doit sauver son peuple. Il devient l'élu. Et c'est pour ça, du coup, l'Odyssée d'Abe, c'est très très cool. Ça me fait un peu penser à Jésus, quoi. Ceci est mon corps, ils sont tous. Déjà, le nom Abe, ah oui, je sais pas. Abe, un rapport. Abe, quoi. Abe, ABCD, tu vois. Oui, non, c'est quoi Abe en fait, je comprends pas. Bah, Abe, Abe. AB. Quoi, c'est un personnage de la mythologie, religieux, de religion. Je connais. Non, mais pas. Je sais pas, déjà son nom est un peu mystérieux d'ailleurs. Abe. Ah ouais, bon. Bah non, ça fait plus Abraham Lincoln. Alors, pour sauver ses congénères, il peut du coup utiliser une façon de parler en fait à ses potes, et avec les touches, enfin les flèches directionnelles, tu pouvais faire un salut. Bah justement, en plus donc de l'intelligence artificielle, ils ont développé aussi ce qu'ils ont appelé le Game Speak. Oui, voilà. Et donc en fait, il y a des interactions de malades. Genre, c'est totalement fou. Par exemple, tu pouvais dire salut à des personnages, leur dire de te suivre, d'attendre, de marcher silencieusement, de sprinter, etc. Attends. Et c'est un des premiers jeux qui a fait ça, et c'était vraiment extraordinaire. Du coup, à un moment, par exemple, t'as un niveau où t'as des personnages qui sont des esclaves qui sont devenus aveugles, et du coup tu dois leur dire salut, ça va, ok, vas-y, suis-moi, et le mec il te suit, mais si tu lui dis pas de t'arrêter, et ben il va continuer et tomber dans la falaise en fait. Donc c'est assez marrant. En gros en fait t'es un esclave qui s'affranchit et tu fais plein de petits esclaves. Mais non, les libères. On retourne. Ouais, en fait, ouais, on est toujours on libère, et puis après c'est comme le communisme, quoi. Hein, après tu finis au goulag. Hein. Mais non, parce qu'il les téléporte avec une porte faite d'oiseaux jusqu'à la liberté. Voilà, et il ça. Peut pas se libérer lui-même puisqu'il doit sauver tous les mudocons. Et moi aussi, après 3 ans de coma, j'ai vu une porte avec des oiseaux. Et finalement, ce qui est aussi d'assez nouveau, on va dire, en tout cas de très chouette pour ce genre de jeu, c'est que sauver les mudocons ou pas, c'est toi qui décides. Il y a rien qui te force à le faire. Ouais, et il faut savoir que c'est un des premiers jeux où il y a deux fins. Un des premiers, t'es sûr ? Je crois que c'est un des premiers. Ah, ouais. Il me semble. C'est un des premiers. J'ai pas dit que c'était le premier, mais c'est un des premiers. Il y a deux fins différentes selon le nombre de personnes que tu vas sauver. Et ben, il y aura une fin différente. En plus, tu peux sauver aussi les crabs, justement. Cette espèce qui est aussi, en voie d'extinction. Ce qui est particulièrement dur dans le jeu. Ah oui. mais du coup, quelle est la solution que tu as choisie? Tu sauves tout le monde ou Alors, en fait, il y a un nombre d'esclaves à sauver. Si tu sauves moins de 50 esclaves à la fin du jeu, et ben, tu meurs. Ouais. Parce que, en fait, à la fin, on se fait capturer en fait par le glucon. Pas encore. Et oui, on se fait capturer par le glucon à la fin. Et du coup, en fait, si on libère moins de 50 esclaves, et ben notre le chaman en fait qui nous a donné l'objectif en fait de sauver t'as pas assez sauvé de personnes, donc je te laisse crever. Alors que si on en libère plus de 50, il va faire oui, mais c'est bon, regarde, c'est notre sauveur et tout, on va l'aider. Et puis. Mais pop ça fait des chocs à pic, t'as gagné. Ah ouais, mais c'est. Et le son, donc pour le coup, est vachement travaillé, donc que ce soit la musique, que ce soit l'ambiance. Ah, l'ambiance est assez marrante. Ah ouais. Le personnage est ultra drôle, quoi. C'est ça qui est très très sympa, c'est cette ambivalence entre le fait que ça parle de thèmes super graves. La destruction de l'environnement, le consumérisme et tout, et en même temps, il y a des bruits de paix. Ouais, en fait, c'est marrant parce que tu peux, dans les interactions, lâcher des caisses. Voilà, et du coup, le personnage se marre. René aussi lâche des caisses. Péter. Péter. Péter, genre, ouais. Et d'accord. Je sais pas si c'est dans le 1 aussi, enfin, je me rappelle plus, mais dans le 2, t'as des esclaves qui sont suicidaires, et il faut d'abord leur remonter le moral pour qu'ils te suivent. Sinon, si tu leur dis un truc mauvais, ils vont se suicider. C'est vraiment un humour noir assez génial, quoi. En fait, c'est un peu la fête de l'humain, Abe. T'as des gens qui pètent, qui rotent, qui se saoulent et qui tentent de se suicider parce que le Parti communiste, il est mort. Non, mais c'est assez marrant parce qu'à un moment, en fait, tu peux te cacher dans les ombres parce qu'en fait, t'as des gardes aussi dans l'usine. Et ils sont particulièrement durs à éviter. Et du coup, une fois, moi, c'est les slicks, c'est ça Ouais, les slicks ou un truc comme ça. Je sais plus. Ils ont des grosses mitrailleuses sur eux. Et ils nous mitraillent, quoi, s'ils nous voient. C'est assez chaud. Et du coup, on était cachés dans l'ombre. J'étais avec deux personnages. Et là, je lâche une caisse dans le jeu. Et du comme coup, il le vit. On était cachés dans l'ombre. Je me rappelle. C'était dur. C'était pas ma guerre. Et là, je lâche une caisse. Et mes camarades se marrent. Et du coup, on se fait repérer. Et on se fait buter, quoi. Mais c'est vraiment super bien fait, ce niveau-là. Mais non, Abby, je t'aimais. Hey, pas Abby. Non, mais Abby, c'est sa copine. Bon, d'accord. Et Abe peut aussi siffler, ce qu'il fait plus tard dans le jeu, pour en fait un système de ciment pour les énigmes. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui se déroulent et tu dois reproduire ces sons. Donc connaître par cœur le truc, et c'est super difficile. Ouais, c'est assez compliqué. Il y a aussi des énigmes avec des mines, avec des plateformes différentes, avec des labyrinthes. C'est ultra complexe. Oui, et puis même à un moment, on a un compagnon, un espèce de chameau qui. Ouais. Qu'on monte dessus et c'est assez cool. Complètement débile. Ouais, il est complètement con. c'est super marrant. Mais il y a aussi un autre élément de gameplay très important, c'est la concentration chamanique qui te permet en fait de prendre le contrôle d'autres personnages. Carrément. Ouais. Donc des ennemis, par exemple. Tu peux prendre la possession en fait d'un des gardes qui a une mitrailleuse. Et tu vas justement buter les autres qui sont un peu plus loin, quoi. Ouais, et ça, c'est pour pouvoir passer. Mais en fait, tu fais ça pendant tout le jeu, le jeu est super facile. Non, il est vraiment ultra dur. Sachant qu'en plus, il y a des balises laser ou électriques, je sais plus, qui, si tu te concentres, puisque ça prend du temps, en fait, tu peux pas d'un coup prendre le contrôle de quelqu'un, ça fait vraiment... Ouais. ça t'envoie un laser dans la tronche. Ça t'électrocute, en fait. J'ai trop envie de jouer. Là. Mais c'est super que non, ça. Il est génial ce jeu. Et par exemple, tu vois, un truc, une petite anecdote. Par exemple, à un moment, on a un chameau. Et à un moment, il voit un pot de miel. Et du coup, bah, il s'en bat les couilles de toi. Et il va lécher le pot de miel. Du coup, tu peux plus l'utiliser pour pouvoir aller de l'autre côté. Du coup, tu dois trouver un moyen d'aller récupérer le nid en fait, de guêpes ou d'abeilles, je sais pas. Ouais. Et c'est ultra compliqué parce que t'as plein de trucs à faire. Ce sera le nombre de trucs de comme ça qu'on a suscité pour pouvoir passer un niveau, t'en jettes dans les falaises. Puis le son est trop fort, genre... Ah non, mais il y a un côté vraiment trash, genre par exemple si Abe explose sur une mine, parfois t'as des bouts de chair qui viennent sur la caméra, ouais, c'est voilà. Dégueulasse. Mais non, mais tu parlais de la version Jap, t'as aussi pas mal de changements, notamment les personnages des Mudokons qui ont été changés parce qu'ils avaient que 3 doigts. Et c'est vrai, hein, ce que je raconte, c'est que oui, ouais. Et ils ont changé, pardon, 4 doigts, pardon, pas 3. 4, ils ont changé ça parce que pour les Japonais, ça faisait référence à une caste sociale d'emballeurs de viande et qui était considérée un peu comme des yakuza, quoi. Enfin, je sais pas, c'était un peu. Ah non, c'est des emballeurs de viande qui ont perdu des doigts pendant le travail. Et je sais pas pourquoi, il y a un parallèle qui est fait avec les yakuza. Et c'était pas cool pour eux. Enfin, bref, ils ont changé les mains des Mudokons et justement, ils les ont mis avec 3 doigts dans la version japonaise. Voilà. Mais pour préciser, Jonas, quand tu es Yakuza et que tu faillis à ton devoir, au lieu de te faire buter, tu peux aussi choisir de te couper un doigt en respect par rapport à ton patron, à ton boss, à ton mafieux. Oyabun. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de macaque dans ton histoire de Yakuza. Oh, alors, tu peux te faire enculer par une tribu de macaques. Alors, pour conclure, Abe, t'as une conclusion, énigme super variée, des décors absolument géniaux qui changeaient tout le temps, tu voyages. Ouais, parce qu'il y a un désert, il y a une forêt, le jeu est assez long, hein. Franchement, je crois qu'il faut au moins 30 ou 40 heures pour le faire, hein. Donc voilà. Petite conclusion, vous avez tous vu Cloud Atlas ? Oui. Oui. Oui. Le jeu a inspiré l'histoire de la meuf esclave Sunny. C'est exactement la même histoire. Sunny. Et quelle est ta source ? Bah le film. Ah, mais. Bah non, j'ai pas de source officielle, mais. Je l'ai senti comme ça. Non, mais je vais raconter l'histoire de Sunny, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais non, mais attends, je te coupe directement. Cloud Atlas, c'est l'adaptation d'un livre, donc en fait, écrit il y a vraiment pas mal d'années, avant Abe, hein, donc non, il y a rien à voir. Il y a rien à voir. un esclave qui travaille dans une usine avec ses congénères, quand il y en a un qui meurt, clone robot. Oui, mais c'est une sous-espèce. Ouais. Voilà. Quand la nourriture qu'ils ont à manger, c'est eux-mêmes dans des boîtes de conserve. Tu spoil. Et il y a des scènes dans des usines avec des plateformes où il faut sauter. Ils doivent traverser une passerelle à un moment donné. Et dans une usine où ils doivent s'échapper pour libérer ses congénères. Et il y a une scène où elle pète, elle fait. Salut. Bah, ça ressemble un petit peu beaucoup. Hein. Et maintenant. Dit comme ça, oui. Enfin, l'univers est quand même relativement différent, je pense. Après, tous les univers artistiques se nourrissent et s'interpellent. Ouais, voilà. Mais tout à fait. Notamment au Japon. C'est un terme sociologique. C'est un terme utilisé en sociologie. Et maintenant, on va atterrir doucement avec une chanson planante avant de parler de Sully. C'est Astral Plane de Valerie June. Is there a light you have inside you can't touch? A looking glass can only show you so much. Follow the signs, slowly but steady, don't rush. The day will come when you're ready, just trust. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere, drown me in your sea so clear. Is there a way for you to shine out of fear? From other worlds, but you can't say what keeps you. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating Sur FIP, nous reprenons notre programme. Ah, veut faire dodo. Et bienvenue sur notre compagnie. Voilà. Oh, c'était très reposant. Reposant. Sans elle, reposant, très. Oh, hey, réveille-toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis concentré sur la technique, moi. Alors, Astral Plane, donc de Valérie Dune, de son dernier album, The Order of Time. Waouh, il y a des nouveautés ici. Ouais, t'as vu, on passe que la nouveauté sur Energy. Puis, alors, Energy. Est-ce que c'est la fin de la podcast, on aura fait toutes les radios. Quoi. Alors, Radio Meme. Radio Accordion, nous allons parler. Radio Meme, c'est d'ailleurs une super radio. Je conseille à tous les auditeurs de notre podcast d'écouter aussi Radio Meme. Ah oui, c'est pas une radio de découverte musicale assez ouf. Si, et Faubourg Simone aussi, qui est extraordinaire. Bon, tant qu'on y est, je recommande Radio Classique, hein, très belle radio. Moi, je recommande La Choucroute. La Choucroute, c'est vraiment bien, c'est bon, et mais ça colle fait dans péter. Les dents. Merci, spécialiste numéro 2. On vient de parler d'Abe, donc... Notre peuple était une choucroute, et on voulait nous manger. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Alors, est-ce que vous aimez cette petite chanson et Valérie June, sa voix. Je vais l'écouter avant. Dans les airs, ouais. Je vais l'écouter avant d'aller dormir. C'est très sympa. Valérie June Hockett, de son vrai nom, donc une chanteuse. Ok. Non, c'est une joueuse. Donc elle est née aux États-Unis, elle est née à Jacksonville. La ville de Jackson. Ouais, et elle vit à Memphis, Tennessee. Donc non mais voilà les lieux de la musique américaine la route quoi. De Memphis. C'est comme ça putain. C'est ton il sort quand ton album d'ailleurs? C'est prévu pour août 2017 dans les bacs. J'ai pas beaucoup d'infos en fait sur son dernier album, mais celui qui était sorti en 2013 que j'aime beaucoup. Il est vraiment cool, c'est Pushing Against a Stone. Je vous conseille de l'écouter, c'est vraiment très sympa. Et elle a même coécrit une chanson avec Dan Auerbach. Attends, je vais essayer de le prononcer bien. Dan Auerbach de The Black Keys. Donc, si vous êtes très fan, eh bien, allez-y, c'est du très très bon. C'est du bon blues, une nana en or. Non, mais voilà. Je voulais faire la blague genre Pushing Against the Stone, genre mais pourquoi elle pousse la pierre? Elle explose pas comme tout le monde. Un petit bord baril de TNT, et puis voilà. Alors, maintenant qu'on a bien décollé musicalement. Oh, la transition. Je demande une petite musique romantique, s'il vous plaît. On va découvrir Titanic. L'histoire de la rencontre entre un avion et un canard. C'est parti. Sully, on est trop bas. Sully, t'es où là? Personne ne nous a prévenus. Personne ne nous a dit « Vous allez perdre vos deux réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation. » On a subi une perte de deux réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un problème de ce genre. Notre enquête doit déterminer comment un avion s'est retrouvé dans l'Hudson. Sur l'Hudson. Ce n'est pas un crash, mais un amérissage forcé. Les simulations indiquent que vous pouviez retourner à l'aéroport. Pas possible. J'ai bien senti qu'il me lâchait. Je prends les commandes. Vous avez les commandes. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu les as tous sauvés. Beaucoup disent que vous êtes un héros. J'ai pas l'impression d'être un héros. Mais d'accord, ça fait déjà assez de bruit comme ça dans la presse. Je suis dépassé par toute cette attention. Le moteur gauche était toujours opérationnel. Et si j'ai vraiment fait une erreur, si j'ai mis en danger la vie de tous ces gens. J'ai un A320 qui plonge dans le fleuve. T'as fait ton maximum, t'en as fait plus qu'assez. À quand remonte votre dernier verre, commandant? Y a-t-il des tensions à la maison? C'est le commandant qui vous parle. Préparez-vous à l'impact. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Crispez-vous sur le siège avant. Il y avait 155 personnes dans cet avion. Et tu en faisais partie. Plus de 40 ans de vol. Et au final, on me jugera sur ces 208 secondes. Je veux un comptage passager et équipage. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Crispez-vous Shining. Elles font flipper, on dirait des jumelles dans Shining, mais c'est comme si Shining, en fait, il volait. Sully, réalisé par Clint Eastwood, écrit par Todd Komarnicki, d'après Highest Duty, comme My Search for what really matters. Donc, de Chelsea Sullenberger, donc la femme de Sully, en vrai, et exactly. Jeffrey Zaslow, donc à la base, c'était donc un livre. Alors, c'est donc un film américain avec comme acteur principal Tom Hanks. On peut retrouver Aaron Eckhart qu'on a vu dans The Dark Knight qui joue Double Face, qui est son copilote. Qui est beau, mais cette fois il a les deux parties de son visage qui sont normales. Et il y a recoller ça bord. Il y a Laura Linney, je fais à l'américaine, et Anna Gunn qu'on a pu voir aussi dans Breaking Bad. Anna Gunn. Je pense qu'on lui a tous fait la blague. Alors, je voudrais un résumé de la part de notre invité qui nous a proposé ce sujet, Monsieur Antonin. Bon, tu vois, t'as un avion, il vole, puis après il vole plus. Ok, alors, voilà. Le film. Pour être vraiment honnête, je l'ai regardé même jusqu'au bout avec un petit carnet de notes dans mon lit bien chaud. Ah ouais, quand même. Et c'est l'histoire. Bourgeois va. C'est l'histoire vraie de celui qui est à deux doigts de la retraite, donc 3 années, un truc comme ça. Qui bon, c'est un vol ordinaire, c'est une histoire vraie, je le redis encore. Tu l'avais pas dit. Je l'avais pas dit. Donc voilà, les passagers prennent l'avion, tout se passe bien et tout d'un coup, on a des fucking ducks. Ils se prennent effet très très rare quand même. Ils se prennent un troupeau de... Ils se prennent un troupeau de canards. Mais t'es vraiment le plus grand spécialiste pas un troupeau, mais en effet, le film revient donc sur le vol 1549 US Airways du 15 janvier 2009. Non, mais je t'aide. Heureusement que tu es là pour les détails. Et voilà, donc ils se prennent un troupeau de canards. Ce qui est très très très, très très rare, je rassure tous ceux qui ont peur en avion. les deux réacteurs s'arrêtent et il a 208 secondes pour décider en gros de retourner à l'aéroport ou non. Il choisit d'amerrir dans l'Hudson. Il faut voilà, et le reste du film, bon, c'est en gros toute cette histoire-là. Et surtout, il faut savoir qu'on est d'abord coupable. Il est d'abord conseillé comme coupable en disant « mais peut-être qu'il n'a pas pris la bonne décision, etc. etc. » Donc lui qui est vu comme un héros par toute la « entire population of America », peut-être qu'il ne l'est pas, et même lui ne le sait pas. Enfin bref, on est sur un film qui raconte l'erreur humaine, la machine, les calculs, les statistiques, pour au final dire « mais non, mais en fait, on est des héros, les humains. » Mais ouais, moi j'ai surtout l'impression que c'est un film sur le héros, quoi. Le héros américain. C'est... Ah bah, c'est un film de Clint Eastwood, tout simplement. Mais... il a fait... Enfin, je veux dire... le film avec Angelina Jolie, c'est... Le Retour, son avec film... Avec c'est... Angelina Jolie. Bah si, le film qu'il a réalisé avec Angelina Jolie, tu iras réviser ta film. Quel film ? Le Retour. Le retour. Mais oui. Super 1 dans sa filmographie. Le Retour du Seigneur. Le retour du roi. Ah, mais non. Cet homme a réalisé des magnifiques films sur la route de Madison. Il a réalisé Grand Torino. Grand Torino. Non, je suis désolé. L'Amérique. Par contre, ça m'étonne pas d'avoir ce lié à l'histoire d'un héros américain. Il faut savoir que quand ça s'est passé, il y a eu ce vrai crash. On était en 2009, c'était l'après 11 septembre. Et cet avion Hobbs qui est entre les tours, machin, etc., ça a énormément fait penser le peuple américain à cet épisode-là. Parce que c'est le premier amérissage d'un avion civil qui est où tout le monde est survécu. Il y avait 250 passagers, je sais plus. À cette époque. Et l'Amérique avait besoin d'un héros, parce que l'Amérique avait besoin d'être American Great Again, et c'est pour ça pourquoi Clint Eastwood t'a donné comme consigne de vote d'aller voter Trump. Pourquoi t'as soutenu ça? T'as fait Grand Torino, quoi. Un film sur la diversité, sur le partage, l'amour et une belle bagnole. Mais pourquoi tu. Ah, il y a 4 ans, il avait soutenu McCain, en effet. Donc, il a un revirement. Mais McCain, c'est pour les frites. Moi aussi, j'adore les frites. Ça m'étonne pas. Hein. Et ce héros américain, à l'époque, était en fait critiqué par une enquête poussée par le NTSB, en fait, le Conseil National de la Sécurité du Transport américain. Et les Américains l'ont vécu un peu comme... mais pourquoi vous faites ça? Laissez-nous ce héros, laissez-nous cette image un peu biaisée d'une personne. Enfin, je sais pas, c'était un... Oh bah c'est celui, on va lui offrir une bière, tiens. Non mais pendant l'enquête, c'était assez sombre, quoi. D'ailleurs, pour le développement du projet, Clint Eastwood a rencontré réellement donc Sully, le pilote... autour d'un sandwich au saumon. Mmh. Et c'est une anecdote totalement vraie, et c'est ce sandwich au saumon qui a décidé les deux hommes à faire une on a vu la même anecdote. Oui, c'était non mais je sais pas, mais oui, ils se sont décidés en effet à se nommer là. Mais alors, c'est qui en fait Sully, du coup? Chelsea Sullenberg, c'est un ancien pilote en fait de ligne américain. Et Il a servi dans l'Air Force aussi, hein. Oui. C'est dit dans le film. Oui, il a été passionné par l'aviation dès son âge de 5 ans. Et apparemment, il a eu une vie assez dingue. Mais on ne sait pas vraiment grand-chose. Ce qui est dingue, c'est qu'on le sait pas vraiment, parce que ça, c'est pas dit dans le film, mais Clint Eastwood lui-même a survécu à un amérissage forcé dans un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Oui, lors de son... quand il était... C'était pas son service militaire, il était soldat à l'époque. Ouais. Il était soldat à l'époque. Donc, il a dû se sentir... Ils ont dû, autour de ce sandwich au saumon, se sentir... Ah, tu te rappelles. Oui, mais c'est ça, ils ont dû se sentir proches l'un de l'autre en se disant, t'as vu, ils nous ont pas bouffé ces enfoirés de saumon. Non, mais en plus, il avait 21 ans, Clint Eastwood, et il a... Attends, il a nagé pendant je sais plus combien d'heures... Jusqu'à escalader une falaise pour rejoindre un poste. Enfin, c'est un ouf, ce mec, quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'était pas un amérissage dans le sens où c'était un crash. C'était vraiment un crash. L'avion a tout d'un coup piqué du nez et je sais pas comment il s'en est sorti. Je sais pas non plus, mais et en plus c'est le seul apparemment. Il a bouffé son copain. Mais il y a pas que. Il a dépoussé, il a pris sa peau, on a fait un parachute. Il a fait un bateau. Il a fait un bateau. Avec le cadavre. Mais avec quoi il a fait la ficelle? Des poils humains de son dos. Référence à Pirates des Caraïbes, bande d'incultes. Il y a pas que Clint Eastwood qui a fait un naufrage. Hein. Alors, c'est la première fois que Clint Eastwood et Tom Hanks travaillent ensemble. Je savais pas ça. Mais non. Si. Bon, ça, c'est l'info. Hein. Bah, pourquoi ça t'endort ? Non, mais j'ai envie de dire. Alors, moi, je vais tout de suite dire que ce film m'a déçu dans le sens où c'était du Clint Eastwood. Je m'attendais à un truc de malade. Et j'ai l'impression que la presse et tout le monde nous disait c'est le premier film de Clint Eastwood, Tom Hanks. C'était leur seul argument pour aller le voir. Mais moi, je suis un peu... En fait, je suis d'accord avec toi sur le point de vue scénaristique où... Enfin, sérieusement, quoi. C'est un héros. Et tout le monde le prend pour quelqu'un qui n'est pas un héros. Il a un peu de doute, mais à peine. Et puis, on attend tous le moment où il est devant la commission et il fait... Et qu'il fasse... Et vous avez vu, je vous avais dit ça. Et ben, c'est ça, je suis vraiment un héros. En même temps, je suis un vrai héros, mais en même temps, je suis un... Même temps. T'as tous ces cocktails, mais qui... Ah, qui fait un peu gerber. Par contre, il y a une très bonne construction au niveau dans le film, au niveau des découpages. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ces allers-retours comme ça dans la cabine, plusieurs points de vue. Au niveau du montage. Ouais. Au niveau du montage, on ressent énormément ce que peut être le stress d'avoir deux réacteurs en panne et t'as 150 en feu, en feu et t'as 155 habitants de l'avion, enfin passagers. Dans un A320. Dans un A320. Bon, t'en as pas mal là. Et bon, il faut savoir que même celui qui joue le pilote, Aaron Eckhart, lui a sa licence de pilote grâce au film, parce qu'il l'a passé en même temps. Mais, et ils ont travaillé aussi avec un vrai pilote dans un simulateur de vol. Voilà, pour la petite anecdote. Mais par contre, au niveau du fond, moi je m'attendais à un film qui soit beaucoup plus profond, beaucoup plus centré, enfin pas centré sur ce personnage, puisqu'il est déjà extrêmement centré, mais qu'on... voir un peu plus les effets que ça a sur la personne, cette médiatisation. Et, On voit quasiment que ça. Les scènes avec le crash sont finalement presque minoritaires. Ouais, mais on a l'impression, si tu veux, que c'est juste pour glorifier quelqu'un, ce film, quoi. C'est la continuité des médias. Alors avant de continuer, je vais du coup faire un tour de table. Antonin, tu n'as pas apprécié ce film. Abe, tu as vu la bande-annonce ? Non, bah, j'ai vu 20 minutes du film. Et d'ailleurs, je reviens justement. Attends, on fait d'abord le tour de table et après tu reviendras. Et à Bilka, toi non plus, t'as pas trop apprécié. J'ai pas trop apprécié ce film, mais s'il y a rien à la télé un dimanche soir sur TF1, je le regarderai. Ouais, alors que moi au cinéma, ça m'aurait plu de le voir, quoi, au lieu d'un petit écran d'iPad. En parlant des médias tout à l'heure, au début du film, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de pression entre lui et sa femme, hein, du coup. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. En ouais, tout cas. Au niveau du couple. Dans le film, pas du tout. Pas du tout. Au début, si. Non. Ah, non. Tu te rappelles au début Vous avez le film en tête oui. À aucun moment, la femme dit j'en ai complètement marre. Complètement défoncé. Dans la bande-annonce, on nous le fait croire. C'est ça, la magie du montage. C'était pas Trainspotting. On nous fait croire qu'il y a une tension, son couple est en péril ou je sais pas quoi. Il y a une allusion au début du film, ça va bien avec Nadine, je sais plus comment elle s'appelle. Il répond vaguement, du coup, on suppose qu'il y a quelque chose, mais il y a rien. À chaque fois qu'il s'appelle, je t'aime aussi. J'arrive, je dois sauver l'Amérique, je reviens. Mais c'est exactement ça. Il y a juste un moment où elle se dit, en fait, j'ai réalisé que tu pouvais mourir. Oui, mais non, moi, ça va aller. Ah oui, ok, ça va aller. What ? Il se parle plusieurs fois au téléphone et c'est toujours la même manière. Ça va ? Oui, j'en ai marre, tu me manques, j'aime être près de toi et de ton corps chaud et suave. Au revoir, je t'aime. Par contre, quelque chose qui est extrêmement bien comme ça. Oh. Oui, moi aussi, je trompe, j'ai des pixels sur les poils. Je sais. Mais par contre, ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est l'aspect normal, si tu veux, d'une catastrophe. Voilà, le bateau est dans l'eau, et puis tout d'un coup, bah, c'est le silence. Le bateau. Le bateau, l'avion. Ouais, la moto, elle est dans le ciel. C'est l'aéronautique, c'est pareil. Ouais, ouais, voilà. Alors, notre spécialiste en avion. Et oui, j'ai en mis... avion et chimpanzé. Non, mais je veux dire... En avion et chimpanzé. Parce qu'on se rend pas compte que... Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réagissent pas quand il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand on écoute ça aux infos, après, on se dit « Ah, mais ouais, mais pourquoi les gens n'ont pas réagi comme ça ?» Mais il faut savoir que quand tu le vis, bah, c'est extrêmement... c'est comme dans ton quotidien, en fait. Tu dois vraiment faire un effort en disant « Mais attends, mais il se passe un truc, voilà. » Par exemple, moi, j'ai eu une crevaison à Roubaix avec toi. Et voilà, on savait pas quoi faire. On a perdu le contrôle. On a dû atterrir. Antonin, tu fais allusion à la scène où tous les bateaux, pas des gardes-côtes, mais tous les bateaux civils viennent aider les naufragés, c'est ça ? Non, je fais allusion juste, ils se sont crashés, puis tout d'un coup, bah, Ouais, bah, il faut desserrer sa ceinture, l'avion flotte, il y a un petit peu d'eau, c'est très calme, il y a tout un moment de flottement, on se dit mais attends, on est là, et finalement c'est ce qui est bien, c'est de voir entre l'urgence et là tout d'un coup, bah, il se passe plus rien en fait. Il faut évacuer, oui, bah, et il faut... Le temps qu'ils prennent conscience de... Bah, ah bah c'est fini. Ouais, mais ah, oui, c'est ça en fait. Oui, c'est habilement mis dans les mises en scène, ils pensaient tous qu'ils allaient crever. Et ils ont mis un moment à capter, ah ben merde, on est toujours vivant. Et moi, je vais donner mon avis, parce que, bon, personne ne m'a demandé, mais... Oui, bon, c'est quoi ton avis, Jonas? Oh, merci, attendez. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Justement, ces scènes de suspense, ces scènes... Bon, ce qui m'a moins plu, finalement, c'est un peu sur Sully, sur le fait qu'il était troublé et tout, tu fais bon, Sully. Ça va... Merci Christophe Willem. Merci. C'est sympa. Et le crash, mais d'abord, on doit préciser que c'est extrêmement bien recréé, quoi. Enfin, ils ont tourné l'exact endroit avec l'Hudson, avec les mêmes bateaux, même avec le capitaine d'un des bateaux, donc c'est des ferries. Il joue son propre rôle. Enfin, et vraiment, c'est très très impressionnant pour ça. Et quand tu finis le film, t'as qu'une envie, c'est aller sur YouTube et regarder justement l'amérissage, et c'est quand même assez dingue. On voit pas grand chose, et ce qui nous donnerait presque envie d'avoir vu l'image qui vient de cet hélico, l'hélico qui a vu vraiment cet avion amerrir devant lui, quoi, avec des touristes. Après, tu te dis, mais pourquoi ils avaient pas leur caméra, bande de cons? Après, ce que je pose... pardon. Non, vas-y, t'inquiète. Après, il y a un film qui ressemble énormément à Sully, qui s'appelle Fly, avec où là, c'est encore, c'est encore plus dingue, parce qu'il arrive avec l'avion à l'envers, etc. Mais là, au moins, il y a de la coke et il y a des putes. Pas tous en même temps. Déjà, il a le slide sur le côté, là, dans Fly. Mais oui, et il y a de la coke et il y a des putes, quoi. Et puis, on est un peu plus sur le personnage, le machin, etc. Là... Je sais pas, c'est Make America Great Again Through This Sully History. Mais quand même, pour revenir à la réalité des faits, c'est que 1200 secouristes se sont précipités en fait, dans l'Hudson pour les sauver. Et ils ont rescapé 155 personnes. Et même toutes les familles. Oh, un avion, attends, on va dans l'eau, ouais. Mais non, mais vraiment, et en plus, il y a la Croix-Rouge qui est intervenue, ça s'est passé à une vitesse incroyablement rapide, quoi. Pour l'événement, la rapidité de réaction a vraiment été pour quelque chose dans la survie des passagers. Mais d'un côté, tu m'étonnes, ils se sont tapés le 11 septembre, ils sont préparés On parlait du 11 septembre avant, t'as cette imagerie qui revient souvent, notamment dans le fait que Sully, qui soit très perturbé, surtout au début du film, ait presque des visions où il s'imagine ce qui aurait pu se passer, notamment qu'il se crache en plein Manhattan, en fait, en pleine île de Manhattan. Et oui, là, je pense que pour énormément d'Américains, New Yorkais, ça doit rappeler des images, et Sully, c'est plutôt cool. Ça vous est déjà arrivé, si vous avez le permis, vous êtes un peu fatigué à Roubaix, vous êtes un peu fatigué, puis vous conduisez, puis vous regardez un texto, machin, et puis hop, on remet le volant, et mine de rien... Moi, j'enlève mon bandage, le texto, c'est plus pratique. Voilà, je conduis avec les dents. Tu conduis en F1. Tu redresses le volant, machin, parce que tu as dévié un peu de ta trajectoire, et tu dis, mais et si, en fait, j'avais pas fait ça? Et ben là, c'est exactement ça. C'est t'aurais fait un tonneau. Et si. Ouais, mais j'ai une grosse critique à faire, c'est que j'adore Tom Hanks. C'est l'un de mes acteurs préférés au monde. Non. C'est la personne préférée du monde. Cet homme est parfait. Genre, je veux dire, je crois que c'est l'homme le plus gentil du monde. Il me donne pas envie. En tant qu'acteur, il est incroyable. Et en tant que personne, il est encore plus incroyable. Il paraît, vraiment. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est ça. Bon, après, c'est un acteur. D'ailleurs, c'est le parrain de mes enfants, mais il le sait pas encore. J'ai appelé tous mes enfants Tom. Et le chien Hanks. C'est bon, je peux parler? Voilà, le rire. Non, mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu... Bon, après, c'est peut-être le personnage, mais il était un petit peu terne dans ce lit. Il était là, il subit, il n'agit pas. Mais c'est normal, c'est parce que Clint Eastwood, il voulait que le spectateur se mette à la place de Sully, qu'il est idolâtré comme un héros pour toute l'Amérique, mais qui est accusé par la commission, et donc un héros qui peut descendre, ça peut faire mal. Bah, ça surtout se voit. Si la chute de l'avion. Et aussi, j'ai pas aimé, c'est peut-être dans la mise en scène, dans le scénario, que la commission soit diabolisée. Il l'attaque méchamment. Vous êtes alcoolique, vous avez problème avec votre femme. Et à la fin, oh ben, on est désolé, on s'est trompé. On est des copains, venez, on va boire. Oui, dans la mise en scène, c'est exactement ça. Mais je suis désolé, Jonas, mais c'est exactement ça, parce que je suis d'accord avec Milka. il a envie de bouffer du chocolat. Ouais, ça, il en peut plus. Avec Milka. Ouais. Et parce que tu as, si tu veux, pendant les interviews, c'est vraiment ouais, vous êtes alcoolique, vous êtes, etc. Et c'est diabolisé en la personne du mec là. Mm. Et tout débloque l'affaire. C'est une grande blonde, toute sympa. Et donc du coup, dans la mise en scène, c'est vraiment à l'américaine à fond quoi. La grande blonde qui se dit, en fait, on va donner une chance quand même. Ah, c'est à gerber. Ouais, non, mais d'abord, quand tu vois les assurances aux États-Unis, non, c'est le mal à incarner. Hein, donc, non, on va pas non plus. Mais là, c'est pas une assurance, dans c'est ce une commission. Prononce ce que tu dis. Bah, dans ce cas-là, pourquoi à la fin, ah, on est désolé, on est gentil avec vous. Et c'est leur travail en même temps de voir tout ça. S'ils le faisaient pas, oui. Oh, bah en fait, oui, t'es un héros, on regarde aucun détail. Moi, je trouve ça, c'est normal, oui, c'est non, la justice. Mais évidemment, mais il y a une façon de le mettre en scène. Les mecs, ils sont pas là. Est-ce que vous êtes alcoolique? Parce que, ouais. Et on sent que. Est-ce que votre femme vous trompe? Ils ont la haine. Ouais, c'est vrai qu'ils ont la haine. C'est chaud. Il y a quelque chose de personnel. Alors que quand tu as une démarche comme ça, avec le. C'est pas le NCIS, c'est le. M6. Avec les experts. Le NSB. Les experts. La clé USB. Les experts ne mettent aucun ton dans leurs questions. C'est pas. Oui, bah oui. Il n'y a pas de suspicion. Ils sont neutres, normalement. Ils sont neutres. C'est une commission qui est indépendante. Justement des assurances, parce que sinon il y aurait sans intérêt centre donc c'est le NTSB donc Conseil National de la Sécurité des Transports, donc je répète, mais je voulais juste revenir sur le choix de Tom Hanks de son jeu. En fait, il est presque dans le mimétisme par rapport à Sully, le vrai, qui ressemble à... enfin, il se ressemble pas physiquement à part les cheveux blancs, mais il est très calme, très posé, et tu le vois notamment à la fin du film où tu vois le vrai Sully qui s'exprime devant les survivants, en fait. Ouais, il est plus dans le mimétisme, mais moi ça m'a pas dérangé finalement le fait qu'il joue de cette manière, quoi. Ouais, mais tu vois, un acteur aussi doué soit-il pour reproduire une personnalité d'une vraie personne à l'écran, il peut pas être aussi calme que... Bon, le vrai a des nerfs d'acier pour avoir fait ce qu'il a fait, pour avoir eu la vie qu'il a eue, mais à l'écran, c'est chiant. C'est chiant. Non, mais moi, j'aurais bien vu Depardieu. Trop parfait. Non, mais clairement, je vais pisser dans le cockpit, ah bah je rentre pas. Non, mais clairement, c'est chiant. À la limite, tu nous le montres tout le temps calme et tout, mais tu nous montres ne serait-ce qu'une seconde ou deux secondes où il est tout seul dans sa chambre, parce que c'est une pression incroyable qu'il a sur les épaules. Juste péter un câble, genre, je sais pas, il pète quelque chose ou il casse un verre ou quoi. Juste ça, ça l'aurait rendu humain. Là, on l'a vraiment idolâtré, c'est un héros américain, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu. Mais justement, il garde son sang-froid, comme pendant l'accident, et je pense que c'est ça aussi son profil, son caractère, c'est que c'est un pilote, c'est un professionnel. Ok, il vit quelque chose de nouveau, le fait d'être médiatisé, le fait d'être à la fois considéré comme un héros, à la fois attaqué par les méchants de la commission, mais... Ouais, en même temps, il reste calme et ça se passe dans sa tête. Il n'exprime pas ce qui se passe, à part à sa femme. Ouais, mais j'ai trouvé ça un peu monotone, en fait. Parce que les scènes... C'est un montage parallèle passé-futur, où on voit les scènes du crash et les scènes de maintenant. Alors, tout le film est magnifique quand c'est les flashbacks du crash avant... Mais c'est Assassin's Creed, ce film. mais je veux dire, les y a beaucoup de scènes où il est dans sa chambre d'hôtel pour attendre le résultat de la commission. On se fait chier. Il est zen, il est droit, il bouge pas. On mais, se fait mais, chier. Mais moi, regarde à la fenêtre. Celle aime bien regarder à la fenêtre. Ouais, il fait ça tout le temps. Il fait ça tout le temps. Mais moi, j'aime les hôtels. Les nuages, une autre sorte. Mais par contre, il a eu le chic et l'intelligence que son film ne dure qu'une heure trente. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, par contre, c'est bien. Ouais, c'est d'ailleurs son plus court de l'histoire. Non, mais franchement... De sa filmographie, c'est son plus court. Franchement, il l'aurait étalé... Toi aussi, t'es allé sur radociné.com. Il l'aurait étalé à deux heures, mais j'aurais quitté la salle, je pense. Une heure et demie, déjà, il y a des scènes qui sont très longues. Je trouve que ça manque de dynamisme par moment. Alors, deux heures, ça aurait été une purge. Moi, j'ai regardé jusqu'au bout. J'ai bien aimé, quoi. Oui, une heure et demie, moi, j'ai regardé jusqu'au bout. Mais ça aurait été deux heures, je me serais barré. Par contre, j'aimerais bien savoir si dans les faits, il s'est vraiment ramené devant la commission de la NTSB en disant « Ouais, mais vous n'avez pas pris en compte le temps de réaction humain. » Non, non, vous n'avez pas pris en compte le paramètre humain. Le paramètre humain. Il balance un truc énigmatique et tout le monde dans la salle « Hein ? Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Et là, il lance son explication. Parce que tout le monde, là, les six pecno à Toulouse, là, au centre d'Airbus, la France, et ben, ils savaient comment réagir parce qu'on leur a dit « Vous allez avoir un crash, mais moi, le troupeau de canards, je ne l'ai pas vu venir. » Ah oui, ils avaient aussi refait la simulation 7 fois de suite. Enfin, l'enregistrement qu'ils ont fait, c'était la 8e, en fait. Tu vois, genre, on leur a donné tout ce qui allait se passer, tous les paramètres, et ils ont fait 7 fois la tentative, ils se sont plantés une ou deux fois, et le reste, ils ont réussi. D'ailleurs, c'est la nana qui joue dans Breaking Bad, la femme de... Oui, de celui. Oui, c'est bien, t'as écouté Broadcast. On en a parlé. Ah merde. Non, je n'ai pas écouté le dernier J'aurais broadcast. Pu chier dans une fiole, tout le monde serait foutu. Si j'ai quelque chose, tout le monde s'en moi fout. Qui pense avoir découvert un truc. Je quitte cet établissement, je vais rejoindre Didi qui va bientôt arriver. Bah, on va conclure en parlant de l'idéologie justement derrière ce film avec Clint Eastwood qui semble faire un peu revivre les héros américains. Notamment avec son dernier film, enfin le film juste avant. American Sniper. Yes, avec Bradley Cooper. Bradley Cooper. J'ai tué des milliers d'Irakiens, mais vraiment, je me sens pas bien quand même. Hein. 10 midi. T'es jeune, il a tué le grand méchant, c'est bon, mais si on finit, je peux 258 kills confirmés. 258 kills. Eh oh, c'est pas. C'est Call of Duty. Call of Duty. Putain, grand bâtard, lol. Monster Kill. Monster Kill. Non, mais. Unbelievable. Pour encore une fois prononcer des faits, Sully, il est hissé. Enfin, il est. C'est le deuxième héros américain. Donc, encore une fois, pour évoquer des faits, Sully, il est hissé un peu au deuxième rang des héros américains. En tout cas, des personnages les plus influents en 2009. Juste après Michelle Obama en fait. Oui, mais attends, mais il influence quoi après avoir sauvé des gens, tu vois? Il va pas faire ouais, maintenant que j'ai sauvé 155 personnes, je veux qu'on arrête Guantanamo et puis voilà, on va faire ça et on va faire ça. Enfin, il ouais. a aucune influence, un type. Il ouais. est retourné à la vie civile, quoi. Mais non, il est en retraite là. Mais non, mais le mec, par exemple, il a eu 600 000 likes sur sa page Facebook. Mon dieu, ces personnes, wow. Non, mais ça reste en dessous que de Rihanna. Je suis désolé. Et de Justin Bieber. Il est moins influent que Justin Bieber, voilà. Oui, mais justement. C'est, il montre un acte héroïque, un acte où beaucoup de gens ont été sauvés des gens, un acte d'abnégation, et ça influence des gens dans le fait d'aller sauver d'autres personnes, d'être bon, d'être cool, d'être gentil. Comme donc, Justin Bieber. et de sniffer de la coke. Ne mangez pas les chats. Never say never. Frappe ton fan dans le visage. Bref. Sully, c'était de la merde. Non, c'était pas de la merde, mais... Voilà. Non, on retire ce mot. C'est pas de la merde, mais bon, voilà. Mais voilà, mais je sais pas, ça transpire une Amérique qu'on n'aime plus, en tout cas, voilà. De ce côté de l'Europe, j'ai l'impression. Ça transpire un post-Trump de merde, où tout le monde est des héros, parce que American first, les héros américains first, et tout. Et c'est vrai que ce que t'as dit, Jonas, c'est le deuxième héros qui met en avant... Le premier, c'était un militaire qui a tué plein de gens et on est plus sur ses remords que bon, bah, t'as quand même tué pas mal de monde. Non, attends, je peux pas te laisser dire ça. Le film, enfin, tu l'as vu ? American Sniper. Oui, votre honneur. C'est bien, vous pouvez témoigner en l'occurrence. L'acte 1 de. Non, mais Là, Bradley Cooper, oui, il a des remords, oui, il montre des, Clint Eastwood montre des atrocités et tout, et il se défend d'ailleurs que ce soit un film pro-militariste, mais toutes ses actions sont justifiées. À chaque fois, c'est protéger l'Amérique, protéger ses amis, protéger sa famille, protéger... Voilà, exactement. C'est pour ça que Clint Eastwood, il est tout le temps en dents de scie, enfin, entre le cul entre deux chaises, tu sais. Pas si tu peux critiquer par rapport à la pro-américanité, etc., etc., ou si c'est justement... contre... En fait, c'est même, tu vois, le film avec le sniper, on a plus l'impression qu'il critique le fait qu'on envoie des GI sur le terrain que le fait qu'il soit allé sur le terrain pour complètement bousiller le Moyen-Orient et faire maintenant des milliers de morts. Non, mais enfin, il montre aussi quand même, tu vois, le côté négatif que réalisent les Américains, enfin les soldats américains, pardon, mais sur le terrain. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il justifie d'une part, mais aussi, enfin, explique que finalement le coût de la guerre sert à protéger, donc finalement justifie un peu ça, quoi, de cette manière aussi. Et oui, moi j'ai pas réussi à le regarder jusqu'au bout, American Sniper, pour vous dire la vérité, mais votre honneur, c'est assez compliqué, quoi. Et là j'ai l'impression que c'est un peu la même justification avec un personnage très lisse comme Sully, mais pas pour les mêmes raisons. Là c'est vraiment juste pour sauver des gens. Et l'ennemi, c'est la méchante commission, en effet, comme vous l'avez dit, quoi. Par contre, je dirais pas que j'ai détesté le film parce que j'adore les avions. Dans lequel Sully. American Sniper, il y a des avions. Parce que je me suis... Dernier. Non, mais de Sully, j'adore les avions. Non, mais pareil, juste pour donner mon avis, je reconnais que c'est pas un film de merde, parce que si j'étudie le scénario et la mise en scène, je te fais un exposé, oui, il est bien et tout. Mais clairement, je me suis fait chier. C'est tout. Mais moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, je veux dire, tu peux reconnaître qu'un film est bien et dire qu'il te fait chier. Hein. Bah, c'est le cas avec Sully, c'est un bon film et je me suis fait chier. En effet, pour l'anecdote, Antonin et moi, nous sommes partis à New York pas énormément de temps après que ce soit arrivé. En 2009. Oui, mais on est en première classe, donc ça va. C'est comme dans Titanic, les riches sont toujours arrêtés pour survivre. On aurait été sauvés avant. Et il faut savoir que sur les avions, la première classe est la classe la plus vulnérable en cas de crash. Et plus vous êtes proche des ailes, et plus c'est solide. Donc en fait, tu payes cher ton billet, mais au cas d'atterrissage, c'est mais toi qui meurs. T'es éloigné des portes. Non, il y en a sur les ailes. Et en fait, quand on y est allé et qu'on a redécollé, on est parti du même aéroport. On a survolé les mêmes marais avec effectivement une espèce de canard. Et les mêmes troupeaux. Ben voilà, c'est une espèce de canard mutant, c'est-à-dire que c'est les plus gros canards vivants. C'est des canards de Daesh. C'est les plus gros canards vivants sur la Terre. C'est des canards de Daesh. C'est des canards kamikazes. Mais par contre, moi, ça me rappelait un autre souvenir où je suis rentré de Chine avec Air France et l'avion, on s'est mis en position de sécurité parce qu'on est tombé. Ils t'ont dit crispation. Mettez-vous en position. Bon, c'est pas de position de sécurité, mais l'avion est tombé, tout le monde a crié, on était attachés, machin. Et on s'est. Enfin, bref, c'était. C'était un peu... C'était un trou d'air, quoi. C'était un... Oui, mais 4 secondes. Et je précise que Airbus a dit que c'était eux qui avaient atterri l'avion, en fait. Et finalement, que Sully n'avait aucun mérite, puisque, il a peut-être atterri au niveau de la profondeur, mais la stabilité de l'avion, donc ce qu'il fait tenir à l'horizontale, ça, c'est Airbus. Et oui, bah, mes petits bonhommes. C'est vrai. Et donc, Airbus a fait sa pub carrément sur ce. C'est une raison, c'est vrai. C'est en partie vrai. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient attaché à l'avion des bouées en plastique et des canards en plastique. Comme ça, en cas d'amérissage. Encore des canards. Encore des canards. Mais oui, quand ils sont là, armement des toboggans et des canards en plastique. Exactement ça. Oh bah non, une poupée. comme on est dans la petite anecdote aussi, ce film il m'a fait penser à... Je revenais d'Algérie avec Air Algérie. On allait... Oui, la ferme. Non mais je sens venir les blagues. Air Algérie, ils ont pas eu un crash il y a pas longtemps? Non, c'est pas vrai. Donc on est sur la piste pour décoller. L'avion qui sont poussés par des chèvres. Exactement. Par des boucs, s'il te plaît. Et là, l'avion, il commence... Non, nous n'avons pas du tout coupé une blague raciste que j'ai fait avant. De toute façon, il aurait fait une blague raciste, il se serait pris une tarte. Je vous le dis. Donc, l'avion commence à accélérer pour décoller. Et là, l'avion s'arrête. Et là, on se dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Et on voit qu'il y a un mécano qui arrive avec sa clé à molette. Et genre, il est en train de bidouiller un truc sur l'aile. Et là, je dis à mes parents, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, il se casse et le pilote, il fait... C'est bon, on peut partir maintenant. Putain, c'est où? Air Algérie, la compagnie qui vous rassure. Eh ben, c'est ça, en Turquie, attendez, j'ai oublié de revisser. Attends, j'ai oublié un boulon. Bon, j'ai eu ça en Turquie où on s'installe et on voit qu'il y a un morceau de l'empennage de l'aile qui manque. Et puis moi, je me dis, bon, ça va passer, mais je vais quand même le signaler. Je le signale, tout le monde s'inquiète, tout le monde va du côté droit de l'avion. Et là, t'as le commandant de bord qui dit au steward un truc. Le steward revient vers moi et puis il fait... Ouais, le commandant de bord a dit, bon, ça fait au moins 4 vols qu'on fait avec, enfin, qu'on fait sans, du coup. Bon, ça devrait passer. Et bon, ben... ça m'a pas vu, quoi. Et le problème, c'est qu'ils ont vu, du coup. Si, et le problème, c'est qu'il y avait des vibrations et l'avion se penchait à chaque fois vers la droite et le pilote automatique reprenait. Parce qu'en fait, ça faisait un déséquilibre. Putain. Ouais. Oh, le stress. Bon, au pire, on s'arrêtera là après, où pour réparer. Après, on a sauté de l'avion. Heureusement qu'on avait des chèvres. Elles nous ont amorti. Vous avez vu des canards. Ils sont des toboggans chèvres. Ouais. Pshah, armement des mouflons, bouf. PNC aux portes, armement des chèvres. Bon, allez. Alors, juste pour dire que sur cette maman, lignée... je comprends pas, il y a ma tagine qui est tombée du ciel. Le tagine, c'est marocain, ce n'est pas algérien, merci. Bon, les ponchos, tout ça, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Belges, avec leur fritin que... Alors, on est plus racistes que des Français coloniaux, là. Alors, les prochains films de Clint Eastwood, ce sera ou Impossible Odds, l'histoire vraie de Jessica Buchanan, travailleuse humanitaire enlevée en Somalie, qui en fait s'est fait libérer par les Navy SEALs. America, it's a Navy. En fait, il ne fait que des histoires vraies en ce moment, quoi. Non mais et sinon, il y avait son autre projet, puisqu'il il a travaillé d'abord sur Sully. Alors qu'il devait normalement faire ce film, c'est The Ballad of Richard Jewell. Est-ce que c'est une histoire vraie d'un Indien américain qui est en souffrance? Non, mais c'est un héros américain. Oui, c'est aussi un héros américain. C'est incroyable. Il a découvert le gaz de schiste. Mais en fait, Clint mais Eastwood. Mais personne ne veut le croire que c'est écolo. Clint Eastwood, il fait partie de cette période de cinéma. Nous, on avait la nouvelle vague en France. Et en Russie, ils avaient les films de propagande du communisme. Ah bah, Clint Eastwood, c'est la même chose. C'est les films de propagande du capitalisme. Mais non, mais pas forcément. C'est juste des héros américains. Et un esprit qui est très important là-bas, quoi. C'est quelque chose d'important. Là-bas, les soldats, c'est des héros, tu peux pas critiquer ça, c'est un principe. Bah, là, donc, je reviens juste à l'histoire de Richard Jewell. C'est en fait un garde de sécurité qui, pendant les Jeux Olympiques de 1996, en fait, a sauvé des centaines, voire des milliers de vies d'une explosion, en fait. Le truc, c'est que les journalistes, la presse, ont un peu falsifié des documents et tout pour l'accuser. Enfin, et donc il y a encore ce côté l'ennemi, c'est les méchants c'est journalistes. Les médias... c'est les médias qui sont les contre Donald. Voilà, mais pourquoi chercher la vérité? Celle qu'on vous donne, elle est bien. Non, mais là, en l'occurrence, c'est justifié, parce que c'est vrai que les journalistes ont fait des trucs de merde, et ce qu'ils font souvent, parfois, bah, à certaines chaînes. Non, mais je veux dire... RMC non, pardon, journaliste, je suis photographe. Il y a beaucoup de journalistes qui se permettent des libertés, mais je veux dire, petite blague de Trump, c'est que le gars, il veut communiquer via les réseaux sociaux, tu balances une phrase qui n'a aucune source, qui n'a aucune véracité, tu peux pas prouver si c'est vrai. Au moins, un journaliste, quand il balance une information, que ce soit vrai ou pas, il essaye de se renseigner pour voir si elle est vraie, il met des preuves à l'appui. Seulement si c'est des médias indépendants, comme nous vous dirons la vérité.com. Et ils existent.com. Alors, pour contrebalancer tout ça, on va s'écouter Top Down de Sweats Beats. Oh yeah. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Hey, hey, I told ya, riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. I'm just doing my spinning. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey. I said I'm riding with my top down and my jewelry on. Come on, hey. Let's go. I'm in the hood bouncing, spray it like a fountain, money like a mountain. Tell me why you pouting, I know why you pouting, cause we getting paper. Hey, tell them again, nigga, we getting that paper. I'm in the hood top down, put my jewelry on me. Come on, I got my goons on me, I get them off me, I shake them haters off me. Get them off me, I shake them haters off me. Niggas, is you with me? My bitches, is you with me? If you got a problem, a sucker, come and get me. Get me. Y'all know my name, you see the candy paint, it spell my name. Swizzy, riding Swizzy with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. I'm just doing my thing, man. Hey, yep, hey, come on. Yep, hey, yep, hey. Get I it said up. I'm riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm talking to you. It's like bump, bump, bump, bump, bump. You know the block is bump, bump, bump, bump, bump, bump. You know the block is bump, bump, bump, bump, bump, bump. You know the block is bumping. Things on the corner, man. You know the block is bumping. Speakers in your trunk, shit thumping. They playing my song, people is jumping. Now we got a little block party, y'all. It ain't nothing but Henny and Bacardi, y'all. Sitting on a stoop, on a milk crate. How you living life? Fuckers say great, great. We all came from nothing into something, something. Why these niggas hating? Why these niggas fronting? We just riding with our tops down. Niggas acting crazy, somebody got shot now. Riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. Don't worry about me, dog. Doing my thing. Hey, yep, hey, yep, hey. I'm just doing yep, it. I'm just doing it. Riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. This chick said, Swiss, I wanna ride in your Viper. Said, hell nah, don't you know that's a spiker. Number two, out of only 20 in the world. You sit in my seat to the change of world. I'm fresh to death, like a million bucks. Threw on my Louis hat with my fucking Gucci chucks. Stepped out the bend, the bitch said, oh no. I said, easy chick, you know I gotta go. Riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. I'm just doing my thing. Hey, hey, hey, hey. I said I'm riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. Shine wherever you are. Shine whoever you are. Shine wherever you are. Shine whoever you are. Shine wherever you are. Shine whoever you are. Shine hey, hey. Shine shine. Ouh, ça vous a mis dans l'ambiance là, c'était bien. Oh putain, j'ai envie d'aller en West Coast là. Moi j'ai adoré la petite danse de Bilka qui est entre Cendrillon et Ricky Balboa. Avec ses petits doigts qui frétillent, pam pam, petit point. J'aime bien c'est... le Ricky Balboa. C'est l'ambiance, je suis ambiancé. Mais je dis Ricky Balboa parce que les auditeurs le voient pas, mais il a un petit t-shirt ultra moulant, alors c'est pas Rocky Balboa. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je dédie. Il y a Ricky Balboa. Alors c'est... C'était Top Down de Swiss Beats, avec mon accent toujours aussi magnifique. Alors, c'est écrit par Kassim Dean, Roger Hatcher, Major Lance, pardon, Eric McCain. Il y avait des sons qui venaient de samples de Swirls and Riotous Bursts. Voilà. En fait, plus tu parles, plus ouais. On comprend. Plus j'ai l'impression que tu donnes le nom d'un spaghetti. C'était donc une recette pour petits aigants. Et tout de suite, on va parler de nos films de 2017. Ouais. Et on va commencer, parce qu'on est des gentlemen, n'est-ce pas, par Didi et son ouais. Choix de film. Oui, voilà. Bon, ça fait un peu gnangnan et girl, vraiment film de fille. Mais moi, j'attends La Belle et la Bête. Merci Bilka, je t'emmerde. Pour se mettre dans le bain, on va tout de suite écouter la bande-annonce. Thank you. et vivant. Qui est là? Vous prendriez la place de votre père? Ne restez pas dans le noir. Montre-moi la fille. Regarde-la. Si c'était celle qu'on attendait. Celle qui va rompre le sort. Bonjour. Vous parlez? Mais évidemment qu'il parle. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Le maître n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Nous devons tuer cette bête! Pensez à ce que vous désirez depuis toujours. Trouvez-le dans votre esprit et dans votre cœur. Il ne faut pas que tu aies peur. Je n'ai pas peur. La Bible et sa robe de princesse en train de tourner. Même pas, je déteste les robes. Je suis pas du tout comme... Non, mais en fait... Ah, c'est bon, tu me rassures. Ouais, je déteste les robes. En fait, je vais expliquer vite fait pourquoi. Donc, j'ai été bercée par Disney. La Belle et la Bête, c'était un de mes films préférés. Et là, j'ai juste envie de voir ce que les Américains vont nous pondre. Est-ce qu'ils nous font un copier-coller du dessin animé? Après, j'ai, niveau film, je suis fan du film français La Belle et la Bête de Jean Cocteau, avec Jean Marais. La France. Voilà, je suis fan de celui-là, tu vois, noir et blanc, ça, il est magnifique. Je conseille de tout le monde de le voir. Surtout sous LSD, c'est bien. Oui, mais déjà dans la bande-annonce, moi quand une théière me dit « Vous inquiétez pas, le maître, il est tip-top », je vérifie mon Doliprane pour voir si c'est pas des gros tasses super puissants. Carrément. Non, mais voilà. Et c'est juste, tu vois, il y a pas si longtemps que ça, on a eu une autre adaptation française avec Vincent Cassel. Léa Seydoux, ouais, ouais. Voilà. Et qui était pas mal, j'avais trouvé intéressant l'histoire, tu vois, de la bête. On penchait plus sur son passé, désolé pour le bégaiement. Et voilà, je veux juste voir ce que les Américains, parce que bien sûr, hein, toujours à refaire nos trucs, ce que ça va donner chez eux. Antonin. Et je voulais savoir si Léa Seydoux, comme dans La Vie d'Adèle, elle se prenait autant de claques dans le film par la bête. Non, même pas. Mais elle se prend des coups de pression, à un moment il gueule dessus, genre « Silence !» Non, même pas. En fait, franchement, dedans, Léa Seydoux, elle sert juste à montrer de jolies robes et à se promener dans le château. Elle est tellement pas féminine, elle a une voix dégueulasse et j'aime pas ça trop. Moi, dans ce film-là, ce que j'ai trouvé, le film français qui est sorti, c'était quand en 2015 ou 2016 Alors, je sais même plus. 2014 ou 2015, je dirais. Ouais. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'était la direction artistique. Franchement, le château, magnifique. Les costumes, ouais, magnifiques. Et juste le côté de l'histoire de la bête, son passé. Voilà. Mais ils n'avaient pas tout dépensé dans les effets spéciaux J'en ai bien eu l'impression. Ils ont eu un budget de malade juste pour les décors, pas en 3D, mais les décors vrais et les costumes. Rien que pour ça, ils ont payé un bras. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'avec le cinéma français, quand t'as de la thune pour les effets spéciaux, du coup, c'est... Il y a eu tellement de frustration au cinéma français quand on n'avait pas d'effets spéciaux comme les Américains qu'on met tout dedans, quoi. Au lieu de s'intéresser au scénario comme les Français savent le faire. Donc voilà, juste pour résumer, je veux voir ce que les Américains, eux, nous pondent. Mais parce que c'est tout mignon, que c'est bah, une enfance. Ouais, c'est une partie de mon enfance, j'ai beaucoup aimé. S'ils nous font un Mulan, j'attends ça aussi avec impatience. Donc voilà. Et il faut contrebalancer ça là. Il y a pas assez de drogue, de rock'n'roll et d'anglais. C'est parti. C'est pour le film d'Antonin. Salut Marc. Qu'est-ce que t'as bien pu faire ces 20 dernières années? Choisis la vie. Choisis Facebook, Twitter, Instagram, en espérant que quelqu'un, quelque part, en ait quelque chose à foutre. Tu m'as manqué, Marc. Toi aussi, Spud. Choisis d'aller voir tes ex, en regrettant de pas t'y être pris autrement. Tu es encore sous héroïne? Non. Et choisis de regarder l'histoire se répéter. Salut, Franco. Simon, je suis rentré à la maison. Choisis ton avenir. Appelle les flics. Je leur dis quoi? T'as qu'à dire qu'on est mort. Choisis la télé-réalité, la persécution sexiste, le revenge porn. Choisis un boulot de merde, 2 heures de transport pour y aller, et pareil pour tes gosses mais en pire. Et étouffe la douleur avec une dose indéterminée d'une drogue indéterminée qu'un mec a fabriquée dans sa cuisine. Et respire à bon coup. Camé. Alors calme-toi. Mais trouve-toi une autre cam. Choisis ce que tu aimes. Choisis ton avenir. Choisis la vie. Je suis désolé, mais moi ça me fait beaucoup plus rêver m'étouffer avec un sac plastique que des belles robes de princesse. Hein. Non, mais par contre, dans le mien, il y a aussi des théières qui parlent. Hein. Je suis sûr que. C'est sûr, ça, franchement, c'est de La Belle et la Bête, mais version, tu vois, version réaliste adulte. En fait. C'est ça, les. Il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. Et par contre, je dois avouer que je n'avais jamais vu la bande-annonce avant de regarder la bande-annonce. Juste là, juste parce que j'ai envie d'avoir la surprise, quoi. J'ai pas envie. Comme c'est un 2, j'ai pas envie. Mais attends, dis-nous d'abord. Quel est le film, en fait? Voilà, c'est Trainspotting 2 de Danny Boyle. Le premier, c'est paru en 1996. Et en gros, ça raconte l'histoire de Sick Boys, Put, Beggy, Tommy et plein d'autres caméos, en fait. C'est tout un film sur la cam dans l'Écosse des années 96 où c'était pas brillant économiquement, etc. Et c'était assez génial. Il n'y avait pas de Thatcher aussi? Ouais, question piège. Il y a peut-être Thatcher dans un rêve, mais il y a surtout une scène extraordinaire qui, moi, ça m'a vraiment marqué. C'est la scène des toilettes. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y a un des persos qui se fait avaler mais gobé par les toilettes. Et en fait, j'ai l'impression que Danny Boyle, il est assez attaché au caca, puisque même dans Slumdog Millionaire, il y a une énorme scène avec des latrines. Du caca. Ouais. Même dans Sunshine, ils doivent aller chier sur le soleil. C'est ça. Il faut savoir que c'est fait en chocolat. J'ai appris ça, mais tout est fait en chocolat. Donc le caca de Danny Boyle se mange. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est le rêve de tous les scatophiles. Voilà, et pourquoi moi j'ai choisi ce film? Parce que juste, j'adore Danny Boyle et parce que je trouve ça super intéressant que le premier, ça avait vraiment une portée sociologique, c'était vraiment, tu vois, on va dénoncer la société en Écosse et tout et tout. Et j'adore l'Écosse, j'adore les vaches écossaises. Faut dire que tu ressembles à une vache écossaise. un petit peu quand j'ai les cheveux bien longs et bien bouclés. Et le truc, d'un côté, tu pourrais dire la même chose sur Bill Cass, il avait les cheveux un petit peu plus longs et bouclés, quoi. En plus, il a la couleur. Mais c'est les cheveux gris. Je suis vieux, moi. Il a 43 ans. Gris, oh merde, 53 ans. Non, mais là... Excuse-moi. C'est vrai que Trainspotting 1, moi, j'ai bien aimé parce que je l'ai vu à Teenager. Alors, Trainspotting, cool. Pas Trainspotting. Oui, mais ça, on c'est est en France. Ça. Oui, bon, le machin avec Evan McGregor qui je rentre dans les chiottes. Je sais que t'aimes Luc Besson, mais quand même. Bon, Trainspotting, c'est bon, je l'ai bien dit. Ouais. Voilà. Le 1, c'était sur le mal-être des jeunes adultes qui veulent entrer dans la vie active. D'ailleurs, à la fin du 1, c'est ça. Hein. Il arrête les conneries, il devient adulte. Et du coup, je voyais pas quelle suite il pouvait faire, en fait. Et j'avais très peur. Et là, je viens de découvrir la bande-annonce, là, ici et maintenant. Et ouais, en fait, c'est la crise de la quarantaine, quoi. C'est ça. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Après, moi, je l'attends un peu au tournant, parce que autant le premier, ça foutait une grosse claque. Et là, maintenant, dans la bande-annonce, on est parti sur les réseaux sociaux. C'est aussi une drogue, machin. On va voir ce que ça donne. Et je voulais juste réagir par rapport à La Belle et la Bête, et pas La Belle et le Clochard. La Belle et la Bête de Didi. Moi, je trouve quand même que ton choix, il est assez top parce que c'est un des Disney les plus bizarres et les plus Non. Il y a Alice au Pays des Merveilles. Celui-là. Non. Tu parlais de drogue, celui-là. Fantasia. Ça, c'est les LSD purs. Hein, voilà. C'est ça. Franchement. Ouais. Oui, mais non, mais plus devant Mivalent, je veux dire, c'est là où on se dit que la bête, c'est pas forcément une bête, que les méchants, c'est peut-être les humains, il y a énormément de messages, c'est très profond, mais la bête. Déjà, le syndrome de Stockholm, tout ça, ouais, si on analyse tous les Disney, finalement, ça te pourrait un peu ton enfance, mais voilà, quoi. Et puis, il y a Emma Watson. Oui, ouais, voilà. Alors là pour revenir vite fait. Non. Je ne dirai rien. Ouais. Wow, je peux pas. Mais la censure de Trump te censure. Casse-toi. Non, je vais rien. Avada Kedavra. Je vais rien dire sur Emma Watson. Mais je veux dire, alors on est d'accord, La Belle et la Bête, c'est un conte français. Même dans le Disney de 91, c'est des Français. Ils chantent Bonjour Machin. Et elle est considérée comme une paysanne belle. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas pris une actrice française qui parlerait anglais avec un putain d'accent français? Ça aurait vraiment souligné le côté paysanne et le côté réaliste de la situation. Après, comme ça, tous les Américains, quand ils arrivent à Paris, ils font « Putain, il n'y a que des paysans !» Parce que je doute que Léa Seydoux... Marion Cotillard mais... ramène autant de foule, quoi. Mais oui, mais voilà. C'est encore une preuve que c'est les producteurs qui décident de tout et pas les scénaristes. Mais pour revenir à Trainspotting, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le mec... meurt à cause de caca-cha. C'est vrai qu'il y a une relation très scatophile, mais... Dans le 1, ça dans m'a le moi qui ai des chats, ça m'a traumatisé. Je me disais, putain, il faut pas que je me tienne près de leur merde. Oui, parce qu'en fait, si je me souviens bien, c'est... Il y avait... son chat était malade. Et c'était une bactérie qui avait dans la merde. Et le mec en est mort. Il respirait ça, donc... Ouais. Bienvenue dans Cacacast, voilà. Le podcast où on parle de merde de chat. Antonin, une analyse sur le caca. Et bah moi qui ai deux chats quand je rentre chez mes parents, maintenant quand ils dorment avec moi, je vais plus les voir comme des assassins que comme mes amis, quoi. Mais les chats ne sont pas nos amis. Doucement. Trump t'a dit de taire. Les ronrons d'Hermione. Hein. On va parler d'autres animaux à griffes et c'est Logan. Transition. Logan. Qu'est-ce que tu as fait? Charles, le monde n'est plus celui qu'on a connu. Les mutants, ils n'existent plus. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. Elle est quoi? Beneath the stains. Elle est comme toi. Of time. Tout à fait comme toi. The feelings disappear. Nous devons la sauver. You are. Il y aura bien quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un. I am still right here. And you could have it all. Logan, il est encore temps. Pas grand chose à dire, hein, par Johnny Cash, c'est de la balle, quoi. Shilling. Juste la chanson, ça ne fait pas penser un peu à The Last of Us, le 2, hein, ouais. La petite entrée d'Ellie et tout ça. Un peu. Mais la bande-annonce fait pas seulement penser qu'au 2, mais à tout The Last of Us. Il y a Logan, vieux, aigri, qui se balade avec une petite fille. On ne sait même pas si c'est sa fille ou pas, mais dans un monde post-apo. Donc ça a l'air plutôt emballant pour les fans de The Last of Us. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça se passe vraiment dans le futur, hein, en fait. Parce qu'il est immortel, en fait, Logan. Donc... Et dans le futur, on habite tous dans des boîtes de conserve de Hobbit, dans des favelas. Parce que Logan habite dans un énorme tonneau. C'est un château d'eau renversé, en fait, tout rouillé et tout. Petite explication pour les fans qui comprennent pas pourquoi Wolverine est vieux. En fait, ils ont remonté le temps avec Day of Future Past et ils ont créé une nouvelle ligne temporelle. Et en fait, dans cette temporalité, Wolverine a perdu son immortalité avec son pote japonais là, qui lui a pompé la moelle osseuse. Bah quoi? Il y avait un peu de tentacules aussi. Non mais vous l'avez pas vu le film Wolverine au Japon? Wolverine le premier. Oui, on l'a vu, mais... Oui, si, on l'a vu avec l'armure et tout. On n'a pas vu le même genre de film que toi, mais... Non mais pomper la moelle osseuse, tu vois, ça peut avoir d'autres trucs, tu vois. Non mais c'est comme ça qu'il lui fait à la fin. Il lui coupe, La preuve va rigoler. Hey, mon ami, tu veux que je te pompe la poêle en sauce? Mais il lui coupe la griffe. Mais vous l'avez vu, le film? Non, pas la griffe. Ils ont juste l'esprit très mal placé. Sans blague. Non mais attends, ça doit le soulager, hein, Logan, de pouvoir mourir. Mais ça veut dire que là, il se prend une balle, c'est fini. Bah, en fait, normalement, il cicatrise comme un mec normal. Du coup, s'il se prend une balle, ouais, il crève. Mais il a toujours ses griffes, et quand il rentre ses griffes, ça cicatrise super vite apparemment. Mais alors, juste ses mains apparemment. Alors moi, je n'ai jamais rien compris à la chronologie des X-Men. Et encore là, on comprend que dalle. Dans les autres bandes-annonces, il lit une BD X-Men. Genre, what the fuck. Et non, mais tu ne comprends rien. Et perso, le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait le blond dans la série Narcos. Celui qui joue Agent Murphy. Que j'aime bien. Enfin, là, il joue un méchant qui a l'air un peu naze, qui genre poursuit. On sait pas Logan encore c'est qui les méchants. On a juste vu genre 2-3 personnes qui veulent prendre une petite fille. C'était une méchante, t'es pas une gentille. On sait pas pourquoi, quoi. Ça se trouve, la fille, c'est une petite bombe nucléaire, tu vois. C'est une espèce de. Oh, c'est l'arme, je sais pas combien là. L'arme ultime, ouais, tu vois. Bah, sans la dernière femme. En fait, c'est comme dans La Belle et la Bête, hein. C'est pas si. C'est plus compliqué que ça. Mais voilà, mais tous les films. C'est compliqué, elle. Tous les films reviennent à La Belle et la Bête. Tu vois. Non, mais. En fait, tu vois, on dirait que mon choix Shining, est pourri, mais en fait. Shining, La Belle et la Bête. Tout est lié. Mais oui. T'as tous les chemins mènent à Rome, non, c'est tous les films même. Avec Didier. Alors, on va parler, puisqu'on parlait de X-Men, d'un autre film où il y a un X-Men, justement. C'est Split. C'est parti. Excusez-moi, monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture. Plusieurs mails, 2 jours de suite pour avoir un rendez-vous. Dites-moi ce qui vous arrive. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y a une fleur sur les oreillers, il y a une fleur dans la salle de bain. On doit avoir de l'importance. C'est qui ça? Elle peut peut-être nous aider. On est là! Aidez-nous! Ne vous inquiétez pas. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il lui est interdit de toucher à vous. Il le sait. Je m'appelle Ed Pig. J'ai des chaussettes rouges. Tu as quel âge? 9 ans. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers. La seule façon de se tirer d'ici, c'est que l'un d'eux décide de nous laisser sortir. C'est toi la plus maligne. Tu pourrais nous aider, Hedwig? Ok. Il y a une fenêtre dans ma chambre. Tu veux bien nous la montrer? Regarde! Là, elle est fermée. Là, elle est ouverte. T'as cru que c'était une vraie fenêtre? Et que tu pourrais t'en aller? Un individu à personnalité multiple peut modifier sa physiologie par la force de la pensée. Quelqu'un va venir vous chercher. Que se passera-t-il quand il libérera tout le potentiel de son cerveau? Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut devenir. Cette nuit est sacrée. Vous allez être en présence de quelque chose de plus grandiose. Le monde va comprendre maintenant. La bête existe. Elle a fait des choses horribles à des gens, elle va vous faire aussi des choses horribles. Kevin arrête Kevin, mais qu'est-ce que tu fais Kevin? Putain, mais Kevin, c'est l'évolution de Gollum, quoi. Bah oui, la méga évolution, quoi. Alors, le choix avant, c'est Logan, c'était qui? C'était C'était Abe. C'était moi. Ouais. Et là, c'est qui? Qui a commis? C'est Bill Carr. Mais attends, tu te rends compte? On revient quand même à la bête. Mais je vous emmerde, votre bête. Mais oui. Mais bon, déjà, le film de départ que je voulais présenter, le problème, c'est qu'il n'y a pas de parole durant la bande-annonce, donc on ne peut pas vraiment le montrer. Et c'est un film français d'horreur, cannibale, et c'est grave. Et je vous conseille... C'est ça le titre, c'est ah grave. Ouais. Grave. C'est pas grave, ouais. Non, c'est grave. Moi, ça m'a donné faim. J'ai mangé un hot dog après. Je conseille de regarder juste la bande-annonce aux gens et après d'aller le voir, ça sort en mars. Et franchement... Tu as niqué la présentation de Split, hein, mais c'est pas grave. Bon, c'est juste faire une petite parenthèse. Il se nique tout seul, hein, Split. Ça te dit pas? Ah non, carrément pas. Tout simplement parce que, regardez, je vais casser tout votre délire avec un mot. Chien malade, ouais, tout le monde, wouhou, génial. Chien malade ou chien malade? Oui, chien malade. Le scénariste et le réalisateur du film. Chien malade. Il a fait alors. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? On va pas parler d'Avatar. On va parler du sixième. Il a commis Avatar. Non. Le sixième sens. Ouais. Merci. Incassable. D'accord. Après. D'accord. Si, la fille de l'eau était pas mal aussi. C'est le maître de l'horreur et du trailer, en fait. Okay. Mais là, ça a l'air intéressant. C'est juste que je comprends pas trop. On part sur un truc assez normal, assez réaliste. Et puis, soudain, il nous parle d'une bête. Et là, t'as une espèce de voix très science-fiction qui arrive. Donc, voilà, c'est tout le principe du réalisateur. C'est qu'il a fait des bons films au début. Puis ça a commencé à partir en couille à partir de... Enfin, il y en a qui disent The Village, il y en a qui disent Signe. Maintenant, c'est... Enfin, je veux dire, il apparaît même plus sur ses films. After Earth, t'as vu que c'était Shyamalan qui l'avait réalisé? Ah non, j'ai pas vu. Et tous ces films sont basés sur le même principe du... À la fin, il y a une révélation de ouf gueudin. Ouh. Et là, ça pue la merde. Mais là, c'est un peu comme Lucie. Genre, ils disent quand il aura libéré la capacité de son cerveau. Genre, il deviendra une clé USB. C'est ouais, selon la psychiatre. Enfoiré. Mais c'est là que tu te sens, en fait, le film au début, c'est génial. Même si la nana dit... Mais monsieur, vous êtes trompé de voiture. Mais un mec rentre dans ta voiture, à la base, tu le fous dehors direct, tu lui poses pas de questions. Mais bon. Oui, mais il leur fait un pchit magique. Non, celle qui dit ça, même si celle qui dit ça, elle est à l'arrière, ok, mais celle qui est à côté, justement, genre tétanisée, mais sort de la voiture. Parce qu'elle voit avant qu'il rentre, elle voit en fait quelqu'un. En gros, elle voit qu'elle a assommé son père. Écoutez, je suis médecin. La peur peut tout à fait paralyser les muscles. Et... Non, mais en vrai, un spray comme ça, ça endort pas. Hein. Ça met genre 5 minutes à t'endormir pendant 3 secondes, c'est tout. Mais en tout cas, tu le sens dès la bande-annonce que c'est un film qui va se casser la gueule dans le scénario. Enfin, peut-être. Hein. Oui, c'est une bande-annonce. Parce que. Tu pars sur un personnage intéressant, sur 23 personnalités, sur un truc assez dingue, assez profond, qui, si tu suis la ligne du réalisme, peut vraiment mettre extrêmement mal à l'aise. Et à partir du moment où, à la fin, on sait qu'en fait, c'est un mutant, une espèce d'X-Men, Spider-Man, machin, et tu dis « Ah bah oui, mais c'est parce qu'il s'est fait radioactiver, c'est bon. Ça veut dire que ça n'existe pas dans la réalité, alors que ce serait tellement bien de suivre cette ligne réelle, et là, ça ferait vraiment plus peur. » Non, mais moi, ce qui me met pas mal à l'aise, c'est quand McAvoy, l'acteur, il joue le mec de 9 ans, et qu'il marche sur ses genoux comme ça, trop content. Ah, par contre, en jeu d'acteur, ça doit être génial. Il a dû... Ouais, ça a l'air cool. Par contre, sa femme doit flipper maintenant. Carrément. Non, je suis d'accord avec vous. La défense à la barre. La défense. Je suis d'accord avec vous. Le côté surnaturel à la fin n'était pas nécessaire parce qu'en soi, c'était vraiment flippant de base, le concept. Mais ce qu'on a reproché à Shyamalan, c'est que ses films... Shyamalan. Ouais, on s'en fout. Tu vois, on retourne dans le caca, Shyamalan. Mais tout est lié. La belle, la bête, la merde. Ah, la théorie du complot ou la photo dans le cul. Allez, vas-y, vas-y. Allez, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, ou je vous marave. Non, c'est que oui, c'était pas nécessaire, mais je pense qu'ils ont fait ça, c'est pour amasser le plus de monde au cinéma et que le film réussisse, clairement. Le côté, 100% de son cerveau, je me transforme en monstre. Non mais en plus ça se trouve c'était juste un effet pour la bande-annonce, tu vois effet spécial, ça se trouve vrai, en fait il y aura pas ça. Si ça se trouve il va bugger en pleine transformation genre... Ah je suis Timmy en fait oh je suis Timmy, j'ai 9 ans, c'est tout. Ah, j'ai choisi. Mais on vient de raconter la fin à mon avis. Mais c'est ça le problème principal de la bande-annonce, c'est que ça raconte tout le film. Voilà, les deux nanas, ça faut capturer, les trois. Ensuite, il y a plus de personnalités. Ensuite, il y a le monstre, et puis voilà, le film sera fini. Et même l'instant. Purée, mais... L'instant du monstre, c'est normalement l'instant révélation dans, voilà. dans le film. T'es dans le cinéma et tout d'un coup, tu fais « Mais what the fuck ?» Et si tu dis « what the fuck » pour un truc impensable pour la bande-annonce, mais bon, bah, je sais pas, pour... ça sert à rien de voir le film. On t'a démonté. Voilà, je m'en fous, j'irai le voir. Bon. Mais nous aussi. Maintenant, on va parler Dunkerque. D'accord, ça vous va? C'est parti pour... Les chars ennemis se sont arrêtés. Pourquoi ? Pourquoi gâcher de précieux chars s'ils peuvent nous tirer comme des lapins depuis le ciel ? Il y a 400 000 hommes sur cette plage. Où est-ce qu'on va ? Dunkerque. Non, j'y retourne pas. On n'a pas le droit de se défiler, fiston. On a un boulot à faire. C'est la mort assurée. Le seul film de guerre qui met en scène des ch'tis. La patrie. Donc, Dunkerque de Christopher Nolan. Ah, j'en ai des frissons, moi. C'est le film que j'attends, oui. Encore un film Vive l'Amérique. Et pourtant, un Québec... un Québécois qui fait un truc sur l'Angleterre, c'est pas mal. Hein. Alors, on a eu Amérique, on a eu Québec. C'est n'importe quoi. C'est un film sur... Christopher Nolan. Mais Christopher Nolan, il est... Anglais, bande de couillons. Non mais je sais. Et... c'est la même merde. Et... ça parle anglais, ça bouffe mal. Non mais il a effectivement la nationalité américaine et la nationalité anglaise en fait. Putain, double patriote. Non mais il a fait quand même pour l'instant pas mal de films aux États-Unis avec les Dark Knight, enfin toutes ces trilogies, et là il revient en Angleterre, il va faire un film donc sur la bataille, enfin. La grande, enfin quand tous les en fait les deux grandes armées anglaises et en français se sont fait encercler à Dunkerque par l'armée allemande et ils se sont fait ils ont attendu en fait que des bateaux fassent un débarquement, les reprennent et les ramènent en Angleterre en se faisant canarder, affamer et ce qu'il y a de cool c'est qu'en fait même Spitfire. Des bateaux civils, ils ont organisé un énorme... Mais non, Spitfire, justement, ça, c'est un autre débat, c'est que... Je ne sais pas s'il y avait des Spitfire. Mais dans la bande-annonce, on en voit. Enfin... Et je tiens à préciser que ce n'est pas le Spitfire qui a gagné la bataille d'Angleterre, mais le Hurricane, qui est un avion petit et moche, comparé au Spitfire, qui est super photogénique et photographique de mon top. Et donc, du coup, voilà, rendons hommage au Spitfire. En bois, en fucking bois, quoi. En bois, ça veut dire que quand tu te faisais tirer dessus, t'avais une chance sur deux de revenir avec des écharpes dans les fesses. Voilà, les temps enflammés comme une brindille. Voilà, c'était ça, les avions. Désolé, le volant. C'est pas les Spitfire. Ouais, mais... ouais, y a deux experts là, apparemment. Mais en fait, tu vois, ce film, j'ai jamais vu Abandon, je savais pas qu'il sortait, je vais en entendre parler. C'est un film historique, donc en fait, y a rien à dire quoi. C'est un fait historique qui est en scène. Je t'en veux. Moi, je veux des aliens qui chantent dans Comme Temps. Non, j'ai pas à dire que c'est chiant, mais je veux dire, c'est un deuxième élément. Je veux dire, c'est un fait historique. Ouais, c'est narré à travers un personnage, voilà. Bah, le fait historique, je finis de le résumer, c'est qu'ils ont organisé donc, un débarquement de bateaux où même les bateaux civils ont récupéré, donc, je crois que c'est à peu près 400 000 soldats en moins de 4 jours, quelque chose comme ça. Ils le disent dans la bande-annonce, on n'a pas écouté. Non. Avec 400 000 sur cette petite plage, lieutenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous tirer comme dans la paix. Et justement, le beau temps a été un élément très important puisqu'ils ont pu... Ils ont pu aller à la plage. Mais non. Et ils s'en peuvent faire plaisir avant de se faire buter. Ramenez les seaux et les pelles. On va construire un château. Ils ont pu en fait défendre les soldats de l'aviation allemande, donc les Stuka et autres BF-109 qui désinguaient les... Mais arrête, c'est passionnant. Et surtout que franchement, s'ils faisaient mauvais, les Stuka, ouais, ils pouvaient pas viser, donc du coup ça a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. La chaîne histoire. Non mais... plus. Mais plus sérieusement, Christopher Nolan, qui, enfin, moi personnellement, je le respecte énormément. J'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment. Enfin, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs héritiers de Kubrick. Eh bien, non, c'est mon avis personnel. Et eh bien, là, il fait revivre un espèce d'espoir anglais avec un film qui, après le Brexit, après Trump et la vague populiste qui envahit le monde, il veut remettre en exergue l'exemple de solidarité qu'il y a eu, donc tous ces bateaux civils qui revenaient, et un peu le souvenir de Churchill et de son peace, son V de la victoire. Quoi. Mais moi j'ai peur parce que le dernier film de Dark Knight, c'était un film d'anticipation. Non, parce c'est que... Interstellar le dernier film. Ouais, celui d'avant quoi. c'était un film d'anticipation puisque Trump a repris presque mot pour mot le discours du méchant qui investit Gotham. Gotham, ouais, j'allais dire Gotham, Manhattan, merde quoi. On revient au caca. Par contre, ce film est magnifique. Ouais, donc j'ai peur d'une guerre en Europe. Mais par contre, ce film, photographiquement parlant, est extraordinaire. Je trouve ça ouf. Et surtout la scène du mec qui va dans l'eau comme ça et ses potes qui le regardent et qui réagissent pas, c'est dingue. Ces plages sont assez sympas, mais il y a un truc un peu particulier, c'est qu'on sait pas. Il y a plusieurs points de. Justement, historique, je sais. C'est que ça te passionne, Bilka. Ça me passionne. Ne me faites pas passer pour un con ignare, ça me passionne. Ça te passionne quand il y a des dragons et des épées, là. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, un fait historique. Tu vois, vous avez vu Tu ne tueras point ? Ce film est magnifique. C'est un fait historique, un soldat qui est parti sans armes et tout. Moi, j'ai vraiment adoré. Tu vois, parce qu'on s'est concentré sur une personne. C'est pas le pays qui s'est battu contre le pays. On s'en fout, j'aime pas la guerre. Vive la paix. Mais un mec qui se démarque, un fait historique, une bataille au Japon, là, je dis, ouais, c'est un très bon film et j'ai adoré. Ouais, bon... Après, moi, je me suis plongé dans une série qui s'appelle Manhattan, qui est sur la création de la bombe atomique, et personne ne savait que c'était pour la création... Enfin, qu'ils étaient pour la bombe, et ensuite ils apprennent, etc. Je le fais court, c'est super, une période super intéressante où, en fait, on a le bien, le mal, la bête, la belle, et des hommes dans ça et qui sont pris par plein de décisions, par plein de choses, et même si chacun pense faire le bien, peut-être qu'on fait le mal aussi, mais je sais pas. Et voilà, elle est où la théière? C'est ça qui est intéressant dans l'ambivalence. C'est pas blanc ou noir, c'est gris, on a des nuances de gris, c'est tout. Il y en a 50. Et des nuances de grey. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est pas comme dans un film de l'autre, là. Je sais plus comment, que tu le réel, comment il s'appelle encore, ce monsieur un peu complètement taré. Qui? Mais non, celui de Tu ne tueras point, là. Mel Gibson. Mel Gibson, voilà. Attention, parle pas de lui, il a fait Braveheart. Attention. Ouais, il est un peu taré. Et Non bah, regarde des petits articles et mais on s'en fout qu'il ait frappé sa femme. C'est justement ça a rien à voir. C'est comme Nord des Îles, c'est bon. On aura 15 associations anti excuse-toi publiquement. Mais non, mais je veux dire, il faut distinguer un mec de qui fait oeuvre. Non mais un mec qui fait un film, tu vas pas aller manger un grec avec lui, tu t'en fous. Il a fait un film, tu apprécies son film, t'es pas obligé de l'apprécier lui pour ce qu'il est. Bah non, mais quand tu mets en valeur un personnage qui fait la guerre, waouh, c'est bien, c'est un héros. C'est comment tu le dis, on dirait que tu joues et tu fais la guerre. mais parfois c'est ça. Alors que la guerre, non, c'est moche pour tout le monde. Et c'est ça un film antimilitariste, c'est pas mettre un héros, waouh, c'est un héros, putain, c'est trop bien, il fait des trucs trop cool, c'est la guerre, waouh, trop bien, c'est un héros. Non, mais en fait, son existence, pour prendre les... Oui, Ah, tu prends le film de Clint Eastwood, Vive l'Amérique, vive la guerre, ouais, j'aime pas. Mais le que tu ne tueras point, le personnage remet en cause le concept de guerre partout. Il dit l'homme, il est pas fait pour s'entretuer. Il dit ça pendant trois quarts du film, et les scènes de bataille, c'est seulement le dernier quart du film. Donc regarde-le, ou je sais pas si tu l'as vu, non? Non, j'ai pas vu. Il me parle de ça, il l'a pas vu, enfoiré. Bah, regarde-le, après on en reparlera. Voilà. Le mec qui fout la merde pour foutre de la merde. Voilà. Sur ce, on va conclure que regardez La Belle et la Bête, puisque ça résume tous les films. Manger de la merde. La merde est mangeable, c'est du chocolat, selon Danny Boyle. Voilà, vous faites un grand bol de merde en chocolat et vous regardez La Belle et la Bête sous trip. Donc merci beaucoup à tout le monde d'être venu, Abe. Bon. Oui. Tu peux dire au revoir à tout le monde. Ciao. Allez vous faire foutre. Voilà. Bika. Et salut les petits goumis. Et Didi. Bye bye. Et merci Antonin d'être venu. Est-ce Mais que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait dernièrement? Oui, oui. Ce qui va arriver pour toi dans pas longtemps. Je suis en tournée dans toute la France avec pour le plaisir de vos enfants. Donc Antonin est prêtre à l'église de Mons à Buret. Voilà, j'y allais surtout pas. J'ai des hosties en chocolat que je fais le matin même. Au LSD, vous allez voir des théières, les mecs. Non mais je suis photographe, photoreporter et voilà, je vais dans le sud de la France faire un reportage. Et sinon, je suis très content parce que j'ai pris en portrait Costa Gavras. Et j'ai pris en portrait aussi le chanteur Kali, et c'est super cool. Et voilà, mais sinon, je suis aussi disponible pour les mariages, les enterrements, les chevaux, les événements, les instants publicité. Voilà, usez-moi, quoi. Et tu fais un bisou à tout le monde? Tu fais un bisou à qui? À Kali? Je fais un bisou à Kali, je fais un bisou à toutes les femmes du monde qui ont lutté contre Donald Trump et qui continuent. Et tout le monde, ensemble, on va lutter contre ce gros connard. Big up! People. Allez, des gros bisous tout le monde! Ciao, ciao! Salut. Bisous! Je suis le commandant Shepard et cette fin est ma préférée de la citadelle. Je reviendrai!